Bienvenue à présent à un enregistrement que je vais faire en compagnie de Berthold, qui est un YouTuber québécois. Et ça va être un plaisir de parler avec lui dans les prochains instants. Alors, bonjour Berthold. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu me parler un petit peu de toi et de ta chaîne YouTube? Eh bien, moi, je ne suis pas habitué là, à parler de moi beaucoup, mais ma chaîne YouTube, c'est justement après avoir écouté d'autres YouTubeurs, de m'être rendu compte qu'il y avait des gens qui parlaient de supramental sur YouTube, qu'après là, quelques années, si on peut dire, ça a germé en moi et finalement, j'ai décidé d'ouvrir ma propre chaîne et d'en parler. Donc, c'est très simple là, que ce qui a pu arriver, là, c'est tout simplement ça. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au supramental? Eh bien, moi, je suis né au début des années 80, vers fin 70, début 80, là, pour, si on peut dire, là, l'époque. Et ma grand-mère paternelle, elle vivait à Montréal. Moi, je vis dans le nord, je suis assez éloigné, mais elle était là, une assidue des conférences, par exemple, comme de Bernard de Montréal, et puis aussi d'autres personnes, là, comme André Moreau. Et ma grand-mère était une personne là, assez spéciale, là, disons que c'était une personne un peu excentrique. Et quand elle est entrée dans ces choses-là par rapport au supramental, elle ne parlait que de ça à un moment donné. Il y avait une certaine fascination. Et par après, là, elle a justement là, délaissé certains conférenciers pour aller plus vers ça, au point où finalement mon père aussi s'est mis à s'intéresser à ça. Mais quand j'étais enfant, j'avais pas d'intérêt pour ça parce que je ne le comprenais pas. Et puis, c'est finalement quand elle est décédée, j'ai hérité là, d'un livre qu'elle avait de Bernard, là, La Genèse du réel, que je n'avais pas lu parce que j'avais pas une bonne opinion de ça quand j'étais plus jeune. Et finalement, quand mon père est décédé, j'ai hérité encore de La Genèse du réel. Et finalement, à un moment donné, j'en parlais avec ma conjointe du temps, puis je lui disais que à mes yeux, c'était une secte, et puis l'image, là, je n'avais pas une bonne image de ça du tout. Et finalement, elle m'a dit, tu devrais le lire. Et finalement, en le lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses décrites là-dedans, que j'avais peut-être formulé des choses semblables par le passé, et puis ça a été là un gros changement pour moi. Donc, Puis par là. autrement Oui. dit, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu croyais que c'était une secte jusqu'à temps que tu prennes la peine de lire le livre se rapportant là, à Bernard. Ah oui, moi, Bernard de Montréal, je voulais rien savoir de ça. Puis dès que j'en entendais parler, là, je devenais même, là, je me fermais complètement. OK. Donc, autrement dit, c'est ta grand-mère maternelle. Non, paternelle. Paternelle, excuse-moi. Tu fais bien, je ne t'ai pas là, de me réajuster si je déforme l'information, qui avait le livre et par la suite ça a été à ton père et par la suite ça a été à toi. Ben, en fait, il y a eu deux livres. Mon père avait le sien. Mais quand ma grand-mère est décédée, que j'ai eu le sien, finalement, à un moment donné, j'ai fait un ménage dans ma bibliothèque et celui de ma grand-mère, je l'ai carrément jeté. Et c'est quand mon père est décédé, là, j'ai eu celui de mon père. C'est celui-là là, que j'ai lu, mais c'est le même livre, là, mais j'étais quand même assez bouleversé de voir que j'avais jeté un autre exemplaire que j'avais, que ça devenait relativement rare. Oui, surtout que vu que les livres n'ont pas été réimprimés, bien c'est un petit peu comme des actions à la bourse. Avec le temps, ça prend de la valeur et ça augmente. Oui, exactement. C'est un investissement. Donc, le but, bien entendu, aujourd'hui, n'est pas nécessairement de parler de livres de Bernard de Montréal, mais Ah, plutôt ben de non. toi. Donc, toi, en lien avec la conscience supramentale, est-ce que tu as vécu des expériences particulières de communication interne, de contact psychique, etc.? Oui, depuis l'enfance. Lorsque j'étais enfant, là, j'ai eu, disons là, que je venais quand même d'une classe sociale qui était quand même assez aisée, et puis rapidement, là, ça s'est dégradé, et j'ai vécu beaucoup de chocs. dont des décès quand j'étais enfant. Là, très tôt, j'ai eu des deuils. Et puis, on dirait que ces chocs-là ont engendré justement des expériences qui étaient, là, si on peut dire, là, justement, des expériences là, dans le domaine là, psychique. Et puis, comme par exemple, j'ai fait des rêves lucides là, très tôt, vers 6-7 ans. J'avais déjà des rêves lucides. Et puis, comme ma mère pensait que j'étais un enfant troublé, elle courait les psychologues. Et pour eux, ces choses-là n'existaient pas. Mais je savais là, au fond de moi-même que c'était réel et puis c'était des phénomènes réels. Ben justement, je veux juste interrompre ici pour que les gens soient en mesure de suivre d'une manière adéquate. Quand que tu parles de rêves lucides que tu faisais en bas âge, est-ce que tu peux nous en donner un exemple concret? Ben, c'est comme par exemple, vous faites un rêve et vous savez que c'est un rêve. Pendant le rêve, il y a quelque chose, un détail ou quelque chose de choquant qui fait que vous vous rendez compte que vous rêvez, tout simplement. Donc, autrement dit, ta conscience demeurait alerte, vive d'esprit, alors que tu rêvais. Oui, c'est comme si on se réveille pendant qu'on dort encore. OK. Et est-ce que tu pouvais influencer le contenu du rêve à ce moment-là? Oui, OK. mais souvent, j'ai remarqué, il semble y avoir des instances qui ne tolèrent pas ça. Et souvent, dès que je me rendais compte que je rêvais, j'étais immédiatement ramené là, je me réveillais comme si on voulait m'empêcher d'intervenir, sur ce plan-là. Donc, autrement dit, comme s'il y aurait des entités qui, à quelque part, voulaient garder une influence sur toi. Oui, à mes yeux, c'est une évidence. Il y a des entités et elles sont autoritaires. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de t'entendre parler, étant donné que dans le cadre d'enregistrement que tu fais sur ta chaîne YouTube, que j'invite d'ailleurs les auditeurs à découvrir, étant donné qu'il y en a plus d'une cinquantaine, tu mentionnes à un moment donné que tu n'es pas à l'aise avec le concept d'entité. Oui, ben, ce qui me dérange avec le concept d'entité, c'est certaines personnes, si on peut dire, qui vont tomber dans la subjectivité d'amplifier ça au sens d'une entitisation, c'est-à-dire que ça peut être dangereux parfois. C'est pour ça que je vais employer le terme des intelligences, pour justement, là, parce que ma grand-mère paternelle, justement, s'entretenait avec des entités et le souvenir que j'en ai, c'était malsain. Mais en tant que tel, qu'on emploie le terme entité, intelligence comme tu le fais, ou intelligence supérieure comme fait l'auteur et ufologue Jean Cazot au Québec, il n'en demeure pas moins qu'on fait référence à certains êtres qui se retrouvent dans une dimension qui est invisible au plan physique. Oui, puis c'est justement là peut-être le problème, c'est que c'est invisible, ça nous échappe. Et c'est là que je trouve ça délicat. Et puis pour des entités, ça peut être, c'est surtout là au niveau là, de ne pas amplifier ça au sens de créer une fascination. Comme par exemple l'auteur là auquel tu réfères qui parle d'intelligence supérieure. Moi, j'ai beaucoup de difficultés là avec un terme comme ça parce que à ce niveau-là, on pourrait parler d'intelligences qui sont supérieures au niveau de leurs possibilités ou de l'information auxquelles elles ont accès, mais de là à mettre ça comme étant supérieur à l'être humain, là, en intelligence et en conscience, moi, j'ai un problème avec ça. Et c'est pour ça, là, que des discours par rapport à des entités, là, à un moment donné, on se met à parler des guides et des maîtres. C'est certain, là, que je suis un peu en opposition avec ça. Et moi aussi d'ailleurs, parce qu'après tout, si on utilise le concept d'entité ou d'intelligence supérieure, en fait plutôt d'intelligence supérieure, devrais-je dire, c'est que on met quelque part ces entités sur un piédestal et ça sous-entend implicitement que nous autres, on est inférieurs. C'est ça, et ça leur donne de l'autorité. Exactement. Donc, au lieu d'utiliser le vocable d'intelligence supérieure, de divinité, de guide, d'ange, ou même d'être ascensionné qui réside sur un nuage ou je ne saurais trop quoi. Pour ma part, j'utilise plutôt le concept d'entité parce que de mon point de vue, il est neutre. Mais on peut avoir une perception différente de ce mot et c'est tout à fait correct. C'est pour ça d'ailleurs que je prends la peine de t'écouter à ce sujet. Ah, mais quand David parle d'entité, je sais très bien là que c'est objectif. Et là où ce qui est un problème, c'est que justement, il y a des gens qui peuvent, eux, l'interpréter d'une façon subjective, mais là, ça devient, là, au niveau de l'expérience des autres, là, c'est pas... Mais c'est surtout là que je voulais pas non plus me ramasser avec des gens qui parlent beaucoup là, de guides et de choses comme ça. Et puis à un moment donné, ça tombe dans l'angéologie et puis des choses que justement là, je voulais pas. Je voulais que c'était dans mon cas que je voulais que ça soit clair que là, au niveau là, de ce qu'on appelle des entités, bon, j'aimais pas la forme, là, le mot entité. Puis c'est simplement là, une question de que j'étais plus à l'aise là, de ne pas employer ce terme-là. Et puis c'est pas une position là, que je prendrais là, autoritairement, là, au contraire. Donc, il n'y a aucun problème. Et pour poursuivre, donc, par rapport à ton vécu, c'est-à-dire que quand tu étais jeune, tu as fait des rêves lucides, donc tu as perçu des intelligences comme tu le mentionnes là, en bas âge. Oui. Et dans tes contacts au niveau, en plus des rêves, est-ce que tu as fait des contacts lucides avec ces êtres? Oui, ben par exemple, pendant des situations là, spécifiques, il m'est arrivé d'avoir ce qu'on pourrait appeler des flashbacks très rapides, là, comme si on m'acheminait de l'information. Et par après, avec vérification, là, ça s'avérait exact. Donc, je n'avais pas le choix là, de considérer qu'il y avait eu un contact à ce niveau-là. Et puis, c'est par rapport là, surtout à des fois des hasards très signifiants où j'avais l'impression là, qu'on me faisait un clin d'œil, si on peut dire. Et par après, au niveau là, de ce que certains là, appellent la canalisation dans le supramental, je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité d'un dialogue intérieur au sens où je posais une question intérieurement et on me répondait. Sans que j'aie là, psychologiquement à formuler la réponse, ça venait clairement pas de ce qu'on pourrait appeler là, ma personnalité à moi, au sens là, de mon ego. Et les réponses étaient tellement inattendues et parfois tellement brillantes que c'est certain là, que ça a changé ma vision de ce qu'on pourrait appeler là, des communications avec des intelligences. Donc, autrement dit, tu as vécu une expérimentation concrète d'un contact intérieur avec ces intelligences qui t'a amené, j'imagine, à travers ces conversations-là, à apprendre des choses qui ne font pas partie de l'enseignement commun que les gens reçoivent ici au Québec, là, via le système éducatif. Ah oui, certainement, même que on pourrait dire qu'il a fallu que je désapprenne ce qu'on m'avait appris, au sens où je me suis rendu compte par rapport là, à ces communications-là, que j'étais là parfaitement conditionné et que justement, il y avait certaines de mes pensées ou certaines choses auxquelles je croyais qui ne venaient pas de moi et qui, justement, là, si on pourrait dire que je n'avais pas là, décidé sciemment de penser ça et pourtant je le pensais. Par après, je me rendais compte que c'était inexact, que c'était nuisible. Donc, autrement dit, tu es venu au constat que la pensée n'origine pas de ton cerveau, la pensée vient d'ailleurs. Exactement. Et puis, c'est sûr, comme beaucoup de personnes, on est confronté à un conditionnement social ici au Québec qui nie systématiquement l'existence des entités ou également des intelligences de par la communauté scientifique présente, qui est de type matérialiste, là, donc tout ce qui sort d'une vision du monde matérialiste est mis de côté. Donc c'est un petit peu déplorable. Ben, j'ai remarqué que parfois ils vont le nier officiellement, mais individuellement, dans le privé, officieusement, ils le savent. Oui. Donc, c'est sûr que entre ce qui se passe officiellement puis officieusement, c'est parfois deux choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine de la santé mentale, que ce soit les psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, officiellement, dans le paradigme actuel, l'existence du paranormal, au moment où ces mots sont prononcés, n'est pas reconnue de manière officielle. Et tout ce qui est perçu comme étant entité, intelligence ou même extraterrestre, c'est tout vu d'une manière systématique comme étant des hallucinations. Oui, exactement. Et puis, il y a aussi, je ressens beaucoup là, une peur chez ces gens-là, parce que c'est une question de crédibilité par rapport là, à leur carrière et des choses comme ça. Et puis, il y a aussi le fait que si du jour au lendemain, tout le monde se met à parler de paranormal et d'entité, et il y a beaucoup de schizophrènes qui vont être... qui vont être envahis là, par ces idées-là et qui n'ont peut-être pas non plus la maturité qu'il faut pour ça. Donc, c'est peut-être mieux que ça ne soit pas des sujets trop grand public encore. Bien qu'éventuellement, il pourrait être pertinent que ce type de sujet soit abordé publiquement pour permettre aux gens de normaliser leur expérience. Donc, Ah autrement oui. dit, oui, ben, tu vois ce que je veux en venir là? Ah oui, tout à fait, parce que... Quelqu'un qui le vit concrètement, il le sait, il n'a plus à y croire ou à en douter. Mais à un moment donné, probablement que si ces choses-là arrivent, c'est parce que nous serons rendus à un stade où nous n'avons plus le choix. Oui, exactement. Et c'est sûr que de mon point de vue, nous sommes entrés dans l'âge de la fusion, c'est-à-dire une période où de plus en plus d'êtres humains vont vivre des communications internes, que ce soit avec des entités du plan mental ou astral, mais ces communications vont s'accélérer et augmenter avec le temps, ce qui fait que tôt ou tard, une masse critique de gens en vivront, et à ce moment-là, il n'y aura d'autre choix qu'aux autorités d'en reconnaître la réalité. Oui, c'est comme je disais, là, nous n'aurons pas le choix. Et puis, de toute façon, tout ce qui est un pas en avant, souvent, là, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Donc, et puis, nous serons pris aussi avec des problématiques, là, au niveau social qui font que nous n'aurons plus le choix de constater ces phénomènes-là. Exactement. Et c'est sûr que à ce niveau-là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont souffrir de problèmes de santé mentale, n'ayant pas les outils et la capacité de gérer adéquatement ces conversations internes. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être fascinés par ça. Et ça va amener, ça amène déjà des débordements. Donc, si la personne a joint à un groupe terroriste parce qu'elle entend une voix dans sa tête, donc elle s'imagine que Dieu lui parle puis lui demande de poser une bombe à un endroit pour devenir un martyr et faire le bien, si elle croit à ça, ben elle va commettre à ce moment-là un acte terrorisme à caractère religieux. Oui, c'est exactement la même chose là pour parce que sans être nécessairement à cette échelle-là, si on prend un schizophrène qui tue sa famille parce qu'il croit entendre la voix de Dieu qui lui dit que sa famille sont des démons, c'est le même phénomène au fond. Exactement. La problématique, de mon point de vue, n'est pas en tant que tel d'entendre des voix, mais c'est plutôt l'incapacité à en faire une gestion intelligente. Oui, ben le discernement, si on peut dire là. Exactement, mais de mon point de vue, les gens qui entendent des voix ne devraient pas être automatiquement et systématiquement étiquetés comme étant schizophrènes, parce que en tant que tel, de mon point de vue, c'est pas un problème en soi, mais c'est plutôt le fait que présentement, voyons, la réalité des voix n'est pas reconnue comme étant réelle et que c'est vu comme étant des hallucinations, donc un problème en soi, alors que de mon point de vue, ce n'est pas nécessairement le cas. Exactement. Et puis, si vous prenez un schizophrène, le schizophrène n'aura pas l'autorité pour faire, il ne pourra pas là, avoir l'autorité, il n'aura pas la force. C'est simplement ça la différence, c'est qu'il est dominé à travers des formes. Mais il reste que c'est le schizophrène, au fond, est simplement trop sensible et puis il vit de la pollution. Et puis, un peu là, comme une radio là, qui capterait deux postes en même temps. Et puis, il y a de la distorsion, et ces gens-là aussi, l'extraordinaire souffrance là, qui en découle, parce que des schizophrènes, j'en ai côtoyé beaucoup, et ils vont souvent là, sombrer dans la drogue, et puis, ils souffrent beaucoup se suicider, et jusqu'à un certain point, il va falloir que les institutions sociales aient le discernement de faire la différence entre quelqu'un qui est extra-lucide et quelqu'un qui est délirant. Mais il reste qu'au fond, c'est le même phénomène, mais simplement, là, le contact est différent. Et puis, pour ceux, là, qui savent, là, qu'il y a des plans extrêmement manipulateurs avec des intelligences retardataires qui veulent simplement créer de l'expérience, et puis souvent là, de fortes émotions pour s'en nourrir, ce qu'on pourrait appeler là, des intelligences vampiriques. Eh bien, à un moment donné, il reste que c'est le même phénomène, c'est-à-dire de la télépathie au fond, de la télépsychie. C'est simplement là qu'il y a un aspect là, qui est malsain et puis qui est beaucoup plus répandu. Oui, tout à fait. Donc, de mon point de vue, que la personne entende des voix et qu'elle est catégorisée comme étant schizophrène parce qu'elle n'est pas capable de gérer adéquatement et elle en souffre, versus quelqu'un qui entend des voix et qui est capable d'en faire une gestion efficace pour ne pas en souffrir, dans les deux cas, ils entendent des voix. Donc, c'est le même phénomène de communication avec des plans, sauf que dans un cas, la personne vit plus un état de possession, de souffrance. Alors que Oui. quelqu'un qui est conscient, qui vit un contact avec ces plans-là, va plutôt expérimenter un état d'habitation consciente dans lequel elle a la volonté d'en faire une gestion adéquate pour avoir une vie qui est équilibrée. Oui, exactement. Et puis il va développer là, ce qu'on pourrait dire un centre de gravité, d'où émane une autorité. Et puis ce qui vient là des bas plans vampiriques, à un moment donné, on vient que on reconnaît immédiatement à cause de la basse fréquence. Donc, c'est le discernement là, vibratoire, si on peut dire. Exactement. Donc, c'est sûr que de ce qui vient de ce que tu appelles les bas plans vampiriques, c'est ce que je vais appeler comme étant le plan astral. Je sais que tu n'affectionnes pas nécessairement ce mot-là également, mais de mon point de vue, c'est l'un des termes qui a été utilisé dans le domaine de la conscience pour décrire cette réalité. Ben, j'ai remarqué qu'ils aiment ça faire parler d'eux autres. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de parler d'eux, mais d'une façon détournée. Et puis, mais au niveau là, de l'astral, même les hauts plans, ce qu'on appelle là, les hauts plans spirituels, qui ne sont pas des bas plans aussi, mais si on pourrait plus parler de région, là, parce qu'à mes yeux, c'est le même plan, Oui. ben, les hautes expériences là, mystiques, les hauts plans spirituels, c'est aussi de l'astral. Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, bien, c'est sûr qu'il y a le plan mental qui fonctionne avec une énergie qui est beaucoup plus forte et vitalisante. Ah oui, on sent tout de suite, c'est très, très différent. Et puis, si vous regardez là, les gens très religieux ou des mystiques ou comme des saints là, qui se flagellaient et puis on voit toujours là, les images, ils sont représentés avec les yeux vitreux et ça reste là encore de la possession. Oui, exactement, parce qu'ils n'ont pas la lumière dans les yeux, ils n'ont pas ce regard pénétrant qui est en relation avec un investissement énergétique au niveau du plan mental. Oui, exactement. Mais pour en revenir à toi, qui est l'objet de cet enregistrement, au fil du temps, donc j'imagine que tu as vécu des communications avec des êtres. Et est-ce que ces communications ont été les éléments qui t'ont amené à vouloir faire une chaîne sur YouTube pour parler de conscience? Bon, oui, entre autres, parce que c'est certain que à un certain niveau, on se sent très seul là, quand on vit des choses comme ça. Il y a une envie d'échanger avec d'autres qui ont vécu des expériences semblables. Et puis, ça peut devenir très lourd là, pour un individu. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues qui m'amenaient à me questionner sur ma lucidité. Mais si j'avais eu à ce moment-là quelqu'un qui était venu me dire non, ça n'a rien à voir ça n'a rien de délirant et je l'aurais apprécié. Donc, je me suis dit, si je peux moi-même là amener ma pierre à l'édifice et dire à d'autres que il n'y a pas à se troubler avec ça, que c'est quelque chose de quand même là qui est de plus en plus répandu et puis que les gens cessent de douter d'eux-mêmes et de ce qu'ils vivent, que ça pourrait là, si on peut dire sans être là, dans une polarité négative-positive, que ça pourrait faire du bien peut-être à certains. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs dans cette optique de dédramatiser l'expérimentation de communication interne que j'effectue des enregistrements sur YouTube, là, d'ailleurs sur cette chaîne. Oui, puis c'est très louable parce que justement, même une communication qui est saine, une personne qui vit beaucoup de doutes et qui se sent seule avec ça, il peut y avoir une dégradation et ça peut devenir malsain. Oui, Donc, parce que oui. non, vas-y. OK. Donc, le point que je voulais en venir, c'est que présentement, les gens ne peuvent pas être reconnus dans leur expérience avec des entités de par ceux qui travaillent dans la science officielle, que ce soit les psychiatres, psychologues et autres intervenants, étant donné que dans le paradigme, leur vision du monde, qui est plutôt de type matérialiste, ces expériences sont associées à des problèmes de santé mentale, des délires, hallucinations. Ce qui fait qu'ils n'ont pas l'ouverture pour traiter ces expériences d'une manière adéquate, ce qui fait que les gens peuvent se sentir rejetés et mécompris de par les intervenants là, officiels dans les sociétés occidentales. Oui, et quelqu'un qui vit une expérience quand même saine, et puis justement là, qui vit, qui ne sera pas reconnu à ce niveau-là et qui va vivre des déceptions et des rejets, ça peut devenir malsain. Il peut finir là, par avoir une situation de maladie mentale à cause de ça. Oui, exactement, parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas reconnus et respectés dans leur expérience, ce qui fait en sorte qu'ils vont se replier sur eux-mêmes, ils n'en parleront pas aux autres. Et à ce moment-là, ben, les gens vivent de l'isolement. Puis en vivant de l'isolement, s'ils vivent une communication interne qui est pernicieuse, ben, ça peut les amener à avoir des idées plus sombres et amener ces personnes à s'astraliser et connaître une dégradation de leurs conditions psychiques. Oui, et c'est là que ce qu'on pourrait dire, là, les institutions qui cherchent à bien faire et qui sont bien intentionnées peuvent nuire jusqu'à un certain point. Et puis aussi, là, si quelqu'un, là, a son cerveau qui est complètement saturé par des molécules synthétiques et ça n'aidera pas la personne à se centrer et à acquérir l'autorité sur ces phénomènes-là, ça va simplement la bloquer, là. Elle va entrer dans une phase de stase. Elle n'évoluera pas. Et puis même, il peut y avoir une régression. Mais au niveau où nous en sommes, ben, et c'est comme tu le dis, là, c'est le paradigme des institutions. Et puis, il y a un discernement au niveau des institutions qui va finir par s'acquérir, mais ça peut prendre énormément de temps, là, probablement que nous ne serons plus là, nous. Oui, et c'est la raison pour laquelle il faut s'occuper d'être bien dans notre peau d'abord plutôt que de vouloir changer le monde. Oui, exactement, parce que quelqu'un là qui n'est pas sa propre mission ne peut rien faire. Exactement. Mais sinon, c'est sûr que les institutions sociales avec des molécules chimiques, si on pense entre autres à celles des antipsychotiques, vont permettre de stabiliser l'état de certaines personnes qui vivent des communications internes très fortes en les gelant. Par contre, ça règle pas le problème de fond, c'est-à-dire l'incapacité de la personne à les gérer. Par contre, C'est ça peut sûr. limiter les dégâts. Donc, dans certains cas, les antipsychotiques peuvent être utiles par rapport à des gens qui ont une très faible capacité d'introspection, une très faible capacité d'intériorisation et de gestion de ces voix qui entendent. Donc, à ce moment-là, on va les engourdir et dans certains cas, c'est utile. Donc, autrement dit, de mon point de vue, je ne vais pas nécessairement rejeter le principe de la médication utilisée Ah, par moi la non science plus. officielle parce que ça peut avoir de l'utilité par rapport à certaines personnes, alors que s'il y a d'autres personnes qui sont un peu plus alertes d'esprit, sont moins fascinées puis qui sont très proches d'un état de santé mentale car ayant une capacité d'introspection, ben là, ces individus-là pourraient bénéficier d'une instruction qui leur permettrait de faire une gestion de leur psyché d'une manière adéquate, comme celle supramentale. Oui, exactement, parce que je ne rejette pas là d'un bloc, là, je veux dire, les antipsychotiques et puis ces molécules-là. Il reste que c'est nécessaire. Et puis il y a des cas là où des gens qui sont vraiment là dans un état onirique, là, comme un psychotique qui est vraiment endormi, qui est dominé par des formes, cette personne-là est extrêmement dangereuse. Ils peuvent faire n'importe quoi. Donc oui, là. Il faut pas non plus rejeter d'un bloc la médecine actuelle à ce niveau-là, parce que justement, là, c'est pas une question de rejeter ou de prendre quelque chose en bloc, mais une question de discernement, là, tout simplement. Exactement, parce que c'est sûr que dans l'eau, il y a des personnes qui peuvent être éduquées à faire une gestion de leur esprit, de leur conscience, d'améliorer leur rapport à la pensée pour ne plus en souffrir et à être identifiées à elles d'une manière fusionnelle. C'est ça exactement, parce que un des problèmes là qu'on voit par rapport aux psychotiques, aux schizophrènes, c'est justement qu'il n'y a pas d'identité réelle et ils vont s'identifier à de la pollution, ils vont s'identifier à quelque chose là qui est de la saturation et ils ne feront pas la différence entre des pensées qui ne viennent pas d'eux et des pensées qui viennent d'eux. Mais si on pourrait dire là qu'ils viennent d'eux au sens leur vrai moi là, leur vrai moi réel qui est à un autre niveau en dehors de l'ego, et puis ils vont s'identifier avec de la pollution, de la programmation, comme par exemple que quelqu'un de dépressif souvent va dire je suis dépressif sans se rendre compte que derrière les formes de ce qu'il vient de dire, il est en train de dire qu'il est de la dépression, que c'est son identité. Et ça, c'est extrêmement malsain et ça va amplifier le phénomène parce que la personne est mise en vibration par des formes et après, il y a un retour, elle va mettre des formes en vibration et là, il y a un cercle vicieux, là, c'est très malsain. Oui, tout à fait. Et là, la personne s'enlise dans l'état dépressif en le nourrissant par un effet de loupe grossissant. Donc, plus qu'elle pense qu'elle est dépressive, de par un processus de réflexion et de compulsion, plus que, elle nourrit ça. Oui, exactement, ça devient son identité. Exactement. Et ça nous amène à parler de la capacité à être au-delà des formes. Et puis, ça, c'est un aspect qui est très important de l'instruction supramentale qui commence à être véhiculée à l'échelle de l'humanité. Et par rapport à ça, cette capacité d'être libre des formes, est-ce que, de ton point de vue, il y a des choses que tu suggères aux gens, aux conseils? C'est difficile là à ce niveau-là de suggérer ou de, comme par exemple au niveau de mon expérience, ben l'expérience c'est quand même particulier, c'est du cas par cas si on peut dire, mais il reste là que surtout là de faire attention à ne pas s'identifier à, mais ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait de soi-même et puis que les gens justement qui sont entrés là dans une vision là qui peut être moins subjective, moins soumise à des formes, moins assujettie à des choses qui ne viennent pas là du moi réel, qu'à ce niveau-là, il y a une part, si on pourrait dire, de plan de vie là. Il y a une part de les gens qui vont aller au-delà de la forme, ça ne sera pas parce qu'ils l'ont choisi, c'est parce que les événements les amènent à ça et qu'ils n'ont pas le choix. Donc, c'est difficile de suggérer quelque chose. Donc, toi, tu parles des événements qui les amènent là. Moi, j'aurais plus tendance à parler du double ou de l'esprit de la personne qui l'amène là. Oui, ben c'est ça, au sens où je vois mal comment faire des suggestions parce que même la personne, c'est pas elle qui décide ça. Et puis, on ne peut rien faire non plus pour amplifier ça ou c'est pas nous qui décidons ça. Ce n'est pas l'ego là qui décide qu'il va entrer là dans une conscience différente et puis il a déjà une conscience différente sur d'autres plans et c'est cette partie-là qui décide si oui ou non elle va entrer en contact avec l'ego. Tout à fait. Donc, Donc, oui. c'est difficile de dire aux gens parce que les gens veulent souvent un peu comme un entraînement, ils veulent des trucs, ils veulent, si on peut dire, des recettes. Mais là, c'est difficile de conseiller les gens à ce niveau-là. On peut en parler, mais de là à conseiller pour amplifier ça ou le précipiter ou d'habituellement, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé là avec des gens de mon entourage pour voir là s'il y avait possibilité d'amplifier le phénomène, de voir si je pouvais là par mes propos, par des conseils, être un catalyseur d'un certain changement, une montée en fréquence. Et souvent, ça va avoir l'effet contraire, comme si la programmation se défendait et la personne va mal interpréter le propos parce qu'elle n'est pas capable de l'intégrer de toute façon. Donc, à ce niveau-là, donner des conseils, c'est délicat. Oui, je comprends. Et ce que tu dis est très à propos parce qu'après tout, ce n'est pas l'être humain qui va initier le changement de conscience, mais c'est plutôt le plan mental qui va se brancher à l'être humain lorsqu'il va juger que l'être humain est prêt à entrer en contact avec lui. C'est ça. C'est l'être humain, là, n'initiera pas un changement de conscience. La conscience en elle-même initiera un changement de l'être humain. Donc, autrement dit, on peut être en vacances de l'esprit parce qu'on n'a rien à faire par rapport à l'humanité dans le sens que l'humanité va évoluer par elle-même toute seule. Oui, ce sont des phénomènes autorégulés. Tout à fait, ce qui veut dire que quelque part, le désir spirituel qui peut être d'aider les autres, de diffuser une information sur Internet dans cette optique, à quelque part, c'est futile. Oui, il y a une part d'illusion là-dedans, là, si on pourrait dire, là, les gens qui se donnent une mission et qui sont des sauveurs. Et puis bon, non, ce qu'on peut faire à notre échelle, là, c'est rompre un certain isolement et puis apporter, là, peut-être certains sujets qui ne sont jamais abordés, mais que beaucoup de gens, là, sont confrontés à ça quand même. Et puis en parler, qu'il y a un échange. Et puis, mais de là, là, à avoir un effet qui va changer les choses, là, au niveau, là, du fond des choses, ça, c'est de l'illusion. Donc, autrement dit, on peut parler de certaines choses, mais sans avoir aucune attente par rapport aux retombées que ça peut avoir au niveau collectif. C'est exactement. Et puis, les attentes engendrent la déception plus souvent qu'autrement, là. C'est ça que ça donne. Et puis, ça ne donne rien au fond, là, que... Puis, si nous avons des attentes, nous serons déçus. Ça, c'est la seule chose dont je suis certain, là, par rapport aux attentes. Oui, c'est très bien dit. Donc, autrement dit, comme l'enregistrement qu'on fait présentement, et s'il y a encore des gens qui écoutent, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qui est débuté, donc si vous écoutez cet enregistrement, vous ne devez pas avoir d'attente. Oui, et puis ceux qui ont des attentes, on les a peut-être perdus en chemin. Tout à fait. Et sinon, fondamentalement, quand que je fais un enregistrement, que ce soit avec toi ou d'autres personnes, c'est plus dans l'optique de favoriser mon développement personnel à travers la parole, à travers l'intégration d'une vibration qui peut être générée à travers un échange, à travers des mots là, qui sont prononcés au micro. Et oui, et puis de toute façon, là, ce qui doit se faire finit par se faire. Et puis, comme il n'y a pas de hasard, ceux qui sont prêts, eh bien, ils tombent sur ce qui est pour eux, là, au stade où ils sont rendus. Et puis, c'est parfait comme ça. Mais de là à penser que nous, ça sera un catalyseur qui fera que des gens, là, subitement vont passer d'un stade à un autre, comme si nous étions capables de contrer les plans de vie, et puis la programmation, et puis ce qui n'est pas décidé par nous, là, à partir de ce moment-là, ce serait de l'illusion. Mais il reste que il peut arriver que des choses, là, liées à une évolution personnelle aient été décidées au-delà de nous, mais que ça passe par nous quand même. Donc, c'est pas une question d'avoir des attentes, mais aussi de quand même, là, de considérer que oui, là, il peut y avoir quand même un mouvement qui est engendré par ça, mais de ne pas tomber dans l'illusion que c'est de par notre volonté et s'en accorder du mérite, là. Il n'y a aucun mérite à ce niveau-là. Oui, parce que sans ça, on nourrit une forme d'orgueil. Oui, exactement. Et puis moi, de l'orgueil, j'en ai énormément. Et puis, mais d'une certaine façon, ça m'est arrivé, là, de demander intérieurement, pourquoi j'ai tellement d'orgueil. Et puis souvent, on va me répondre, ben, ça te fait beaucoup de bois de poêle pour passer à travers l'hiver de la vie, en voulant dire que je vais avoir beaucoup d'ego à brûler, puis que c'est comme ça, et puis que de ne pas, là, nécessairement voir l'orgueil à ce niveau-là comme quelque chose de négatif, mais juste le fait, là, de s'en rendre compte qu'on est orgueilleux, c'est déjà quand même bien, là. Oui, c'est d'être capable de jeter un regard critique sur soi-même. Oui, et puis sans non plus penser que on peut être objectif envers soi-même. Donc, jusqu'à un certain point, souvent, si je tombe dans un état, là, de grande lucidité, ma personnalité et mon ego, je n'ai plus, là, la même vision de ça. Et puis, ce que je peux être, là, comme personne, au sens, là, de la personnalité, de l'ego, de la façon que j'agis, c'est évident, là, qu'à un moment donné, il apparaît de l'information assez très claire où on se trouve ridicule, on se trouve stupide et même grotesque, et puis de ne pas avoir l'émotivité d'être trop ébranlé par ça. Mais de toute façon, si nous sommes trop émotifs, ce genre d'information-là ne se rend pas, là, ça n'est pas, on nous donne ce qu'on est capable de prendre là, à ce niveau-là. Par rapport au plan mental qui achemine l'information, mais pour ce qui est du plan astral qui achemine l'information à des individus, j'ai certains doutes, étant donné qu'il y a des individus qui, sous l'influence de certaines pensées, vont mettre leur vie ou celle de d'autres personnes en danger. Ah oui, mais là, c'est autre chose, là. Je vois ça comme c'est eux, ils vont quasiment faire exprès pour envoyer du stock qu'on n'est pas capable de gérer. Et puis, à un moment donné, il n'y a rien à gérer, c'est de rejeter complètement. Si là, je sens que si il me viendrait des idées noires là, qui me disent de me suicider, je considérerais que ça ne vient pas de moi, je ne porterais même pas attention. Mais de toute façon, une fois qu'une personne, souvent, là, a franchi ce discernement-là, eh bien, peu importe la pensée qui va lui être acheminée, elle ne va pas s'attacher émotivement à ça. Mais c'est clair là que oui, là, il y a beaucoup de gens qui vont recevoir, qui vont se faire acheminer de l'information qu'ils ne pourront pas gérer. Et il va y avoir, c'est certain, il va y en avoir encore là, beaucoup des suicides. Et puis, moi, je pense que je suis de ceux là sans être négatif là, ou pessimiste, mais moi je pense que ça va aller en s'amplifiant. Bien, c'est sûr que s'il y a de plus en plus de gens qui vivent des contacts avec l'invisible, parce qu'il y a une tension énergétique qui est engendrée par le plan astral et mental, qui veulent entrer en communication avec des individus, bien, c'est sûr qu'en réaction avec cela, il y a sans doute une quantité grandissante de gens qui vont connaître des problèmes de santé mentale. Et à ce niveau-là, nous avons juste à penser, par exemple, par rapport au problème de la dépression. Qui est très présente en Occident à l'époque actuelle. Bon, il y a certaines personnes qui vont voir là une hausse de la dépression liée à son diagnostic qui est plus grand. Par contre, c'est de voir qu'à travers ce phénomène-là, qu'il soit en augmentation ou pas objectivement, que c'est un des marqueurs du fait que quelque part, la psyché de beaucoup d'individus est en souffrance. Oui, et aussi là, si on peut considérer que la souffrance là, psychologique, comme la dépression, c'est de l'information, comme quoi que il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on regarde là, le monde tel qu'il est, on peut considérer qu'être dépressif, c'est quasiment une réaction normale. C'est simplement qu'il y a là un processus d'intégration du réel, que les gens en dépression ne sont pas instruits là, par rapport à la possibilité de briser ces formes-là dans leur mental, de se réacheminer l'énergie qu'elles contiennent. Et puis à un moment donné, ben c'est certain là, que de la dépression, nous allons en voir beaucoup. Puis jusqu'à un certain point, ça va être normal, elle devient normale. Oui, tout à fait, parce que le contexte de vie trépidant en Occident, où ce que l'information circule rapidement, que les nouvelles technologies, que ce soit le texto, Internet, crée une tension, crée une pression. Et face à cette pression-là qui est grandissante, ben ça peut créer en contrepartie de la dépression, c'est-à-dire Oui. une réaction émotionnelle face à une trop grande quantité d'énergie, où ce que la personne tombe à terre. Ah oui, puis nous sommes dans une période de transition et il y a beaucoup de gens qui ne pourront plus là, se raccrocher à des choses qui, par le passé, pouvaient maintenir les gens dans un état plus stable, comme ce qui est lié là, à la religion ou ce qui est lié aux valeurs, ce qu'on pourrait appeler d'antan. Comme nous sommes en période de transition, il y a beaucoup de choses qui tombent, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, et il y a des gens qui vont se retrouver entre deux glaciers, là, puis qui ne pourront pas se raccrocher à rien. Et puis c'est là que peut-être que le hasard peut faire, ben, le hasard entre guillemets, là, je ne crois pas au hasard, peut faire qu'ils vont tomber sur une instruction pour se réacheminer ça, l'intégrer. Mais il reste que moi-même, là, j'ai été en dépression majeure pendant plus de 10 ans. Et puis, à un moment donné, c'est devenu tout simplement quelque chose qui était impossible. Je ne peux plus, être dépressif. Et puis, c'est pareil, là, pour, les idées noires. J'en ai eu, là, étant plus jeune, là, ou si je me souviens, autour de 13, 14, 15 ans, que c'était terrible. Et puis, mais à un moment donné, là, au début de la trentaine, ce genre de choses-là était devenu tout simplement impossible. Mais pourquoi C'est tu à dis que c'est devenu impossible? Ben, c'est devenu, je n'arrive même plus à me souvenir ce que c'était la dépression d'être Ben, dans pourquoi que cet tu m'en état-là. parles si t'es plus capable de t'en souvenir? Parce que j'ai le souvenir que j'ai été dans cet état-là, mais je ne me souviens plus de ce que c'était qu'être dans cet état-là, comme si c'était quelqu'un d'autre. Ben, c'est-à-dire, c'était ton moi passé versus Oui. ton moi présent. Mais le point, c'est que, quelque part, tu en as conservé une mémoire parce qu'en ça, tu m'aurais pas dit que tu as vécu une dépression majeure pendant 10 ans. J'en ai une mémoire comme si j'avais eu un proche dans cet état-là, au sens où je me souviens qu'il était dans cet état-là, mais je peux pas me remettre à sa place. Ouais, ben, c'est pas non plus souhaitable là, que tu entres dans un état de dépression intense présentement en mode fusionnel. Fait que c'est sûr que si t'es détaché par ça, à l'égard de ça, c'est tout à fait correct. Oui, et puis à un moment donné, ben j'ai demandé intérieurement, j'ai dit comment ça se fait là, pourquoi que je ne retombe plus dans ces états-là. Puis on me disait, ben c'est intégré, t'es intégré, t'es passé à travers. Il y en a qui passeront pas à travers, tout simplement. Il y en a, puis mais une fois là qu'on est passé à travers, et puis il y a plus grand-chose là de il n'y a plus grand-chose là qui me font de la peine là. C'est très difficile de me rendre triste, tout simplement parce que ces choses-là, à mes yeux, sont liées à de l'information qui je ne m'identifie pas à ça. Ce n'est pas, ça ne vient pas de moi. Est-ce qu'on peut dire que le fait que tu as passé par une période très grande de dépression t'a amené une volonté de te libérer de cet état-là et de te repositionner intérieurement pour rehausser ton taux vibratoire? Non, je n'aurais même pas eu à le voir comme ça. OK. Je n'ai même pas à me situer. Il n'y a pas eu de volonté, ça s'est fait tout seul. OK, donc il n'y a eu aucun effort, ça s'est réajusté tout seul. Ben, il y a eu un effort de résister, si on peut dire, là, le temps que ça a duré, mais je ne savais pas là, où ça m'amènerait. Et puis les gens les professionnels de la santé qui m'évaluaient, ils disaient. Il disait, il n'a rien de délirant, il n'y a pas de distorsion cognitive, c'est simplement que il a de la difficulté à accepter ce qu'il sait, ce qu'il voit. C'est quelqu'un qui est très, très critique là, au niveau de la misère sociale, de ces choses-là. Et puis, un peu comme si j'avais une trop grande lucidité et que ça me causait une souffrance de ce que je voyais, de ce que je comprenais, et que j'aurais eu une longue période de temps pour l'intégrer, pour finalement, là, c'est d'être détaché émotivement de tout ça, mais une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. OK, donc autrement dit, tu étais en mode plus sympathie à l'égard des gens de ton environnement, c'est-à-dire de ressentir beaucoup leurs émotions, de t'imprégner de tout ça un peu comme une éponge. Oui, exactement. Puis je m'identifiais aux autres. Je n'avais pas d'identité encore à moi là, à ce niveau-là. Et puis, même là, ceux qui m'évaluaient, ils disaient, il y a une lucidité là au-dessus de la moyenne, c'est un hyper rationnel, mais il est incapable de gérer sa capacité. Et puis, même si je regardais, à un moment donné, j'étais obligé de me débarrasser de ma télévision parce que ça me créait trop de souffrance. Je voyais les gens et puis c'était palpable ce qu'ils vivaient. Et puis il y a des situations aussi, même des fois, la personne, je voyais qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle vivait, mais je le comprenais quand même. Et puis c'était palpable, c'était rendu trop difficile. Et puis finalement, je me suis débarrassé de ma télévision. J'ai cessé de lire les journaux longtemps. Et puis j'ai eu là une phase où il a fallu que je me détache émotivement pour, si on peut dire, me créer une identité à moi qui fait que il y a une territorialité là, de ne pas laisser ce que je perçois du monde me troubler au point où ce que c'est tout simplement parce que ça n'est pas logique. C'est peu quand bien même, là, il y a des choses déplorables et puis il se passe des choses graves. Et quand bien même que j'en souffre énormément et puis que j'en tombe dans un état dépressif, d'un point de vue logique, pragmatique, ça n'apporte absolument rien. Ça rajoute des problèmes aux problèmes, si on peut dire. Et puis c'est envahissant. Et puis à un moment donné, il est arrivé une colère au sens où c'était illogique. D'être en souffrance pour autrui, ça n'apporte absolument rien. Donc, autrement dit, tu t'as contesté cet état. Oui, je l'ai contesté comme quelque chose qui ne venait pas de moi, que je n'avais pas décidé, que c'était injuste là, que j'ai. Donc, à un moment donné, c'est sûr que oui, je me suis mis en opposition, mais à cette époque-là, je ne l'aurais pas verbalisé comme ça. J'étais complètement. Je ne me rendais pas compte là, du processus, et c'est par après, en lisant des gens qui en parlent, en écoutant des gens qui en parlent, et là, les voiles tombaient, je comprenais ce que j'avais vécu. Donc, autrement dit, tu as exprimé la force de ta volonté pour t'opposer à toutes ces pensées et ces émotions qui étaient occasionnées par des stimulus extérieurs à toi qui te gardaient dans un état de pollution émotionnelle parce que tu te faisais polluer par l'extérieur. Oui, puis pourtant, c'est pas une volonté au sens où il s'est manifesté une volonté, mais involontairement. Parce que je savais pas, là, c'était à chaque fois, c'était se mettre le pied dans le vide. Mais aujourd'hui, moi, je ne regrette absolument rien. Je considère que tout ça était nécessaire. Et souvent, il y a des gens qui c'est dans mon entourage, où je discute avec des gens et on me dit, comment ça se fait que tu vois ça si clairement? Comment ça se fait que tu peux parler clairement de certaines choses? Et puis souvent, je vais répondre parce que j'ai énormément souffert. J'ai énormément souffert, mais là, ce n'est plus au même niveau, là. C'est certain que je vis des désagréments dans ma vie. Et puis, mais aujourd'hui, je vois ça très légèrement parce qu'à mes yeux, ce que je peux vivre de désagréments, ça n'est pas réel autant que d'autres choses, là, que je sais que ça c'est beaucoup plus. Je me tiendrai plus jamais, là, à la surface des choses à ce niveau-là. Donc, c'est ça que c'est intéressant de voir l'évolution de conscience que tu as faite en relation avec les perceptions de ton environnement, étant donné qu'il y a peut-être présentement des gens qui nous écoutent et qui ont de la difficulté à composer avec les perceptions qu'ils reçoivent de leur environnement, que ce soit la télévision est exposée régulièrement, comme à l'époque présente, à des attentats terroristes qui ont cours en Europe et un peu partout dans le monde. C'est sûr que si on s'identifie émotivement aux victimes de ces actes qui sont présentés dans les bulletins de nouvelles, on va vibrer à la peur continuellement. Oui, malgré que moi, c'était pas une peur que je ressentais, c'était plus un désespoir au sens que, à mes yeux, je vivais dans un monde où les gens étaient complètement fous, où les gens n'avaient aucune notion de ce qui se passe réellement. Et puis, je n'avais pas vraiment peur, là. Mais finalement, non, aujourd'hui, je vois ça très différemment. Les victimes sont à plaindre, mais les gens qui commettent ces actes-là aussi. Et puis, anciennement, là, je voyais que c'était comme ça, mais maintenant, je comprends pourquoi c'est comme ça, et il y a une résilience, là, qui se fait. Donc, ton regard sur le monde a changé. Énormément, et puis souvent, il est arrivé, là, dernièrement, des gens vont m'écrire dans des commentaires que, à leurs yeux, c'est impossible d'être détaché à ce point-là comme je le suis. Pourtant, mais c'est parce qu'ils ne le vivent pas, tout simplement. Et puis, on va me dire où est le cœur, comme si j'étais pas assez dans. Émotionnel. C'est ça. Mais moi, le cœur, là, il est fusionné avec l'esprit, il n'y a plus de séparation. Donc, où est le cœur, à mes yeux, c'est une question qui n'a pas de sens. Tout à fait, parce que ça amène une dualité entre l'intellect et le cœur que vivent beaucoup de gens. Oui. Mais il faut, c'est ça, aller à quelque part au-delà de ça et fonctionner avec une énergie de notre être qui est unifiée. Oui, tout à fait, parce que quelqu'un qui va me dire ça, mais où est le cœur? T'es trop dans le mental, t'es trop dans l'esprit, c'est que cette personne-là, elle est divisée en elle-même et elle va projeter ça sur moi. D'où l'incapacité, justement, à comprendre comment un détachement, là, pratique puis pragmatique, qui est pourtant nécessaire, pour elle, ça devient quelque chose d'impossible à concevoir. Exactement. Quoique par rapport au détachement, dans le domaine de la psychologie, il existe quand même des enseignements où ce qu'on parle de la distinction entre la sympathie émotionnelle et l'empathie. Donc la sympathie, c'est quelqu'un qui est en mode fusionnel. Il va voir une autre personne qui pleure, il va se sentir triste. Et ça peut être la même chose par rapport au bonheur. Quelqu'un qui est excité, qui est euphorique, qui est joyeux, la personne se sent joyeuse. Alors que l'empathie, au contraire, la personne est neutre intérieurement, elle perçoit l'expérience émotionnelle de l'autre sans pour autant y adhérer d'une manière fusionnelle. Donc elle garde une distance. Oui, exactement. Et puis à un moment donné, il a fallu que je comprenne aussi qu'il y avait énormément là, de subjectivité là-dedans, parce qu'il m'était arrivé là, d'avoir énormément de peine pour certaines personnes, pour ensuite réaliser après coup que cette personne-là avait moins souffert que moi de sa situation. Donc il y a beaucoup de projections là-dedans. Et puis il m'est arrivé aussi de vivre des états là, d'intropathie, là, carrément, où justement je ne m'appartenais plus. Mais quelqu'un de centrique va avoir de l'empathie au sens qu'il va avoir une compréhension. Il peut avoir là, une sympathie au sens où, si vous, s'il y a une réciprocité, il va avoir. Mais il reste que il faut un centre là, de gravité réel. Et puis, à un moment donné, tous ces termes-là n'ont plus le même sens. Mais c'est très. Moi, je ne suis pas contre la psychologie, au contraire. Et puis les psychologues, ils font leur job, et puis c'est très bien, mais il reste là que eux-mêmes, là, souvent, ils vont, avec le patient, ils vont entrer là, dans une intersubjectivité avec le patient, et puis ça peut devenir malsain, mais encore là, c'est du cas par cas. Oui, c'est ça, parce que un peu comme dans d'autres professions, il y en a qui sont excellents, il y en a d'autres qui sont moins bons, tout dépendant du niveau de sensibilité et d'évolution de l'individu qui pratique la psychologie, là, bien entendu. Oui, exactement. Et puis le fait qu'il y ait des incompétents, ça ne rend pas toute une science, toute une institution complètement mauvaise. Exactement. Mais pour en revenir à ton expérience, donc au fil des ans, ce que je comprends, c'est que tu as appris à mettre tes distances à l'égard de ces perceptions qui venaient de ton environnement qui était envahissante. Ben, c'est que j'ai commencé à cesser de prendre ça. C'est en découvrant qu'il y avait d'autres réalités que je me suis mis à considérer que, bon, ben ici, c'est peut-être la pointe de l'iceberg et que je prenais les choses beaucoup trop au sérieux, beaucoup trop à cœur et que, au niveau des résultats, en plus, là, c'était contre-productif. Dans le sens que si tu prends quelque chose trop au sérieux, ben tu vas te mettre à stresser. Si tu stresses trop, ben ça t'amène à faire des erreurs. Oui, ben, c'est un détachement au sens de aujourd'hui, là, les épreuves que je peux vivre sur mon petit parcours, le fait que je les prends moins au sérieux qu'avant fait que ça se règle beaucoup plus rapidement parce que je dispose là, de toutes mes énergies, là, ce n'est plus drainé par des projections. Donc, autrement dit, tu gaspilles moins d'énergie et émotionnelle. Oui, exactement. Ce qu'on pourrait appeler là une gestion ergonomique de mes forces. Donc, une gestion qui est efficace, qui fait que tu dois être moins en état de réaction émotionnelle à l'égard des événements. Oui, exactement. Sortir du réactif pour entrer dans une action, puis être plus ce qu'on pourrait dire là créatif. Et parlant de créativité, j'imagine que c'est quelque chose qui te travaille parce qu'à un moment donné, tu mentionnais dans tes vidéos YouTube là, que tu faisais des œuvres d'art, que ce soit de la peinture, de la musique, là, en lien avec ce que tu appelles comme étant le mental systémique. Oui, ben, c'est certain que par rapport à ça, j'ai besoin d'un détachement parce qu'au niveau là, culturel, souvent on va me dire que ce que je produis là, ce n'est pas humain, ce n'est pas, c'est mécanique, c'est machinal, que c'est froid. Et ça va créer là, un empêchement de l'appréciation des. C'est pour ça que sur ça aussi, j'essaie de ne pas avoir trop d'attentes. Mais les gens ont de la difficulté à concevoir que la créativité au sens artistique du terme puisse être une science, que ça peut avoir les mêmes formes qu'une science. Et c'est simplement là peut-être que nous sommes encore dans une époque où les gens sont très charriés par ce qu'on pourrait appeler l'âme. et qu'il y a peut-être une peur là, d'entrer dans l'esprit qui est beaucoup plus vaste et que ça va à l'infini là, au niveau des possibilités. Et puis les gens vont voir ça comme quelque chose de très, très froid. Souvent, il m'est arrivé là, de produire une musique et puis de la proposer à des gens. Puis on me disait, ça a pas l'air humain, ça a pas l'air d'être créé par un être humain. Mais à ce niveau-là, c'est parce qu'ils confondent là, l'être humain là, comme, si on pourrait dire, là, quasiment un animal là, qui est dans l'émotivité beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a une peur d'entrer dans un monde qui est peut-être plus vaste, mais qui est beaucoup plus là, qui est beaucoup plus carré, où ce qu'il y a moins d'émotivité. Mais il reste que moi, ces choses-là vont engendrer chez moi une certaine émotivité. Mais c'est comme si c'était un monde encore restreint. Pour les gens, ils vont être émus par la façon dont un feuillage est fait sur une plante. Ils vont être émus de la façon dont les couleurs sont placées sur un oiseau, sur le plumage, sans réaliser que ça, c'est du systémique. Ce n'est pas un artiste avec son émotivité qui a décidé de créer ça. C'est de l'intelligence autorégulée qui engendre ça. Et ça, c'en est du systémique. Mais les gens ont de la difficulté à avoir une créativité là-dedans. Pourtant, c'est la créativité réelle là, qui fait que, on sort là peut-être de l'enfance là, de la créativité pour entrer dans quelque chose où tout est dans tout, que c'est une science. Mais pour eux, là, un artiste ne peut pas se baser sur une science, et pourtant, ça a toujours été le cas. Ben, c'est sûr que ça pourrait être sujet à discussion, mais de mon point de vue, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être être fermés par rapport à ton type d'art est tout simplement lié que ces gens sont fermés intérieurement à percevoir leur propre esprit et qu'ils ne peuvent pas vibrer au même niveau d'énergie que quelqu'un qui vit à un niveau d'énergie différent du leur. Donc, à ce moment-là, ça revient au principe que tout est connu que par le semblable et apprécié par lui. Si les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, ça devient difficile, voire même impossible, qu'ils puissent apprécier à ce moment-là ton travail artistique. Oui, c'est là que je n'ai pas trop d'attente là, pour pas avoir trop de déception, mais que je le fais quand même. Et puis, si on regarde l'émotion, si on parle l'art là en tant que l'art émotif, comme on le voit de nos jours, bien que ça se dégrade, là, j'ai beaucoup de difficultés à ressentir des émotions avec ce qui est produit là, dans la culture populaire en ce moment. Mais si j'y vois là, l'émotion est un peu une forme. Et les gens, on dirait qu'ils ont peur de sortir des formes rassurantes de ce qu'ils rattachent au niveau là, esthétique pour entrer tout simplement dans le monde des fréquences, parce qu'ils le voient comme quelque chose de froid. Et ils ont raison, là. C'est extrêmement. L'émotion est quelque chose de chaleureux, mais si on sort de ça puis on entre là, dans le mental pur, c'est d'une froideur qui peut être extrêmement oppressante. Pour celui qui n'est pas capable de la contenir. C'est ça, c'est une question de gestion. Oui, ben c'est ça. C'est que le point, c'est que j'ai l'impression que les gens vont être à l'aise avec une forme artistique qui parle, qui fait écho à leur sensibilité émotive ou leur réactivité émotionnelle, devrais-je dire. Ce qui fait qu'à ce moment-là, quelqu'un qui n'œuvre pas dans cette optique, ils seront tout simplement pas réceptifs par rapport à lui. Oui, et puis d'une certaine façon, c'est correct. C'est correct parce que ça donne rien là de vouloir forcer les gens. Puis quand bien même là, je me choquerais, puis je dirais c'est parce que vous ne comprenez pas. Ben là, ça voudrait dire que c'est moi qui ne comprends pas au fond. Et puis je comprends très bien parce que j'ai déjà été à ce niveau-là là si on pourrait dire là de ce qui est très très vibrant au sens émotionnel du terme. Et puis, c'est un peu comme au niveau là, des émotions, la forme va toujours être polarisée. On voit beaucoup de couples, là, au début, ils s'aiment énormément. Ensuite, ils vont tomber dans l'autre polarité, ils vont se mettre à s'haïr, puis se séparer. Mais au fond, il n'y a jamais eu de respect réel. Donc, l'émotion est polarisée. Donc, on va toujours catégoriser ce que je fais soit dans du positif exagéré, soit dans du négatif qui est aussi exagéré, parce qu'on dirait que l'être humain ne peut pas s'empêcher de catégoriser les choses selon, justement, comme tu dis, là, s'il s'agit de projection, ils vont projeter quelque chose d'interne sur l'externe sans se rendre compte que il y a un ego, là, si on pourrait dire, qui fait comme un écran, la personnalité aussi, et puis qu'ils projettent, là, leur propre interprétation sur le mur de leur perception. Et c'est là qu'on assiste à des gens qui vont critiquer quelque chose qu'ils n'atteignent même pas au fond. Oui, ils critiquent quelque chose qu'ils connaissent pas, et des fois aussi, ce qui arrive, c'est que les gens ont peur de l'inconnu, et c'est ce qui fait en sorte qu'ils seront peut-être pas nécessairement tout le temps gentils dans leurs critiques. Et oui, et puis moi, pourtant, quand quelque chose me déplaît et ne m'intéresse pas, je ne vais pas ressentir le besoin d'aller le dire. Et pourtant, il y a des gens qui vont perdre énormément de temps à faire ça. Donc, il y a des questions là à se poser, là. Ces gens-là ont des questions à se poser. Oui, par contre, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais des œuvres d'art qui vibrent à une certaine fréquence énergétique, tant que les gens ont un grand décalage à l'égard de cette fréquence, ils ne sont pas en mesure de l'absorber, et c'est simplement lorsqu'il y aura une masse critique de gens qui vibreront à la fréquence qui est véhiculée à travers tes œuvres qu'ils pourront les apprécier pleinement. Eh oui, et puis de toute façon, en attendant, ce type d'or-là pourrait être exploité quand même, là, au sens que, je le sais pas, là, ça pourrait être présenté dans une fiction comme des œuvres d'une autre race, d'un autre monde, et puis les gens, tout d'un coup, trouveraient ça intéressant. Mais justement, tu ouvres la porte sur quelque chose de particulier, étant donné que dans l'une de tes vidéos, tu mentionnais que tu faisais partie d'une race mentale. Mais ça, j'ai pas eu le choix là, de me faire à l'idée. Et puis, parce que, justement, parce que j'avais vécu des problèmes de dépression et des choses comme ça, j'ai fini par avoir toute une équipe là, de gens, dont des béhavioristes et puis des neurologues, qui se sont penchés sur mon cas parce que ça détonnait. Il y avait quelque chose qui avait pas eu des cas comme ça souvent. Et puis là, il y a eu un intérêt de faire une étude de ça. Et puis finalement, les conclusions, leurs conclusions eux-mêmes, c'est ça au fond. C'est que j'aurais un mental extrêmement différent. Et même le terme là, mental systémique, ça vient d'eux. OK. Ben, peux-tu le définir, tant qu'on en parlait, qu'est-ce que ça veut dire donc le mental systémique? Le mental systémique, c'est une vision du monde qui est liée à tout ce qui est la structure des choses, à ce qui est autorégulé par rapport là, comme par exemple, tout ce qui existe dans l'univers est lié à des lois, et c'est ça le systémique. Mais c'est la capacité justement de voir au-delà là, du résultat en surface, de voir les lois qui ont mené à ça. Et puis ça peut être vu comme un peu comme un esprit qui serait analytique là, mais au niveau là, justement, de finir par accumuler tous les détails, au niveau d'avoir une vision d'ensemble et de voir les mouvements de ça. Et puis, mais comme c'est quelque chose qui n'a pas d'émotionnalité là-dedans, on peut pas le considérer là comme c'est quelque chose de différent là, qui est à part, un peu comme les mathématiciens qui vont vivre dans leur monde à eux, qui est lié aux mathématiques. Il se passe des choses très intéressantes dans leur esprit, mais c'est un autre monde qui appartient au systémique. Mais pour ramener ça à du concret, pour que les gens qui nous écoutent soient en mesure de te comprendre, est-ce que tu peux me donner un exemple concret où est-ce que le mental systémique est en opération pour te permettre de comprendre certaines lois dans ton quotidien? Ben, c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de processus psychologique. L'information va être visible d'un coup. Un peu comme il y a certains calculateurs qui, sans faire de calcul, là, dans le mental, vont arriver à la bonne réponse d'un coup sans voir, ils ne savent même pas comment ils ont fait. Mais au niveau concret, par rapport là, à ce que ça peut avoir de concret, bien, ça m'a aidé beaucoup là, à comprendre les structures sociales, de la façon dont, par exemple, les compagnies fonctionnent, comme dans le monde des affaires ou des choses comme ça. Ça m'a permis de ne pas me faire avoir là, de temps à autre, malgré que ça a été une intégration qui était assez longue parce que je me suis fait avoir avec. Mais là, maintenant, je le vois. Quand je vois là, que quelque chose, là, une proposition pourrait être à mon désavantage, je le vois. Donc Mais ça, c'en oui. est du concret. OK, donc autrement dit, tu as une sensibilité plus grande à percevoir des manipulations de gens de ton environnement. Oui, parce que je comprends mieux comment justement fonctionnent certaines tactiques là, par rapport à des choses comme ça. Et puis de la façon dont je gère mes choses aussi, il va y avoir une logique là, autorégulée qui fait que c'est plus ergonomique comme gestion. Donc, autrement dit, tu as un esprit qui cherche continuellement à augmenter l'efficacité de ce que tu fais. Ben, c'est une question là, d'être pragmatique. Parce que vu ma personnalité, c'est un peu comme si je vivais là en parallèle du monde un peu. Et à ce niveau-là, je suis quand même là tout seul là. Et puis donc il y a des mécanismes Mais tu liés sais pas, il y a justement. peut-être d'autres personnes avec lesquelles tu es en contact et qui vivent quelque chose de similaire à toi. Oui, possiblement, mais nous ne pouvons pas là, créer une entreprise ensemble et puis voir à nos intérêts parce que justement, bon, c'est peut-être dispersé, mais il reste là que c'est un peu comme on va entendre des fois certaines personnes qui sont dans certaines religions qui vont dire qu'ils ne sont pas dans le monde, comme quoi que, mais ça change rien parce qu'ils sont simplement dans leur monde à eux autres qui se sont recréés, des gens qui ont les mêmes croyances, tandis que là, c'est beaucoup plus concret. Au sens où, par exemple, là, si on me demandait c'est arrivé là qu'on me demande de faire un projet lié à du marketing, mais moi, me servir là des tactiques en marketing pour conditionner un client à agir comme je le veux, moi, je ne peux pas faire ça, j'en suis incapable. Donc, il a fallu là que je développe une vision du monde, justement, pour faire en sorte que certains compromis là, que je n'ai pas envie de faire avec le monde là, tel qu'il est, bien, que je puisse quand même vivre confortablement et puis voir mes affaires et finalement avoir une vie quand même en parallèle, puis venir à bout là, quand même là, d'avoir une vie riche et puis pour ne pas non plus là, tomber comme quelqu'un de complètement isolé. Anciennement, des gens qui vivaient des états de lucidité, là, souvent, ces gens-là se retiraient de la société complètement. Et puis, à mes yeux, ce n'est pas souhaitable, là. On ne nous sommes plus rendus là. Et puis, c'est un peu là, comme ça on peut dire les taoïstes anciennement, qu'avant que ça devienne une religion organisée, quand c'était réellement un phénomène lié à de l'in... à quasiment... On n'est pas... Les premiers taoïstes n'étaient pas loin là, de certaines... chose, eh bien, ces gens-là, ils se retiraient du monde complètement. Ils avaient un grand mépris pour la société. Mais à mes yeux, avoir du mépris pour la société, ce n'est pas intelligent. Donc, c'est sûr, là, au niveau là, du systémique, d'apprendre, de comprendre justement comment les interactions sociales, comment la société fonctionne, comment les institutions au niveau là, de leur statut et puis tout ça, c'est du systémique. C'est systémique au sens qu'il y a des mouvements linéaires de cause à effet, et puis c'est tout simplement d'intégrer ces lois-là pour s'en servir justement là pour ne pas être dominé par des formes, mais d'aller au-delà de la forme pour pouvoir être constructeur, se servir des formes et puis sans en souffrir là, parce qu'il y a Oui, beaucoup ben c'est intéressant ce que tu dis, c'est d'être capable de se servir du système sans pour autant en être victime. C'est ça, parce que tout ce que l'être humain n'intègre pas consciemment, le systémique va prendre le relais d'une façon autorégulée. Donc, je n'ai pas envie, moi, de faire partie du système. J'ai envie que le système fasse partie de mes outils, donc d'entrer dans une créativité. Oui, et pour en revenir à ce que tu disais tantôt, parce que c'est quand même important, Tu me faisais part que, bon, tu as rencontré une série de spécialistes qui t'ont dit que tu avais un mental systémique et toi, ça t'a fait penser que tu faisais partie d'une race mentale. Oui, ben, je me suis dit, bon, ben, si j'ai un processus mental qui est différent, quand bien même je serais le seul au monde, il reste que même là, même si on pourrait dire un mutant, là, comme une grenouille qui serait différente, là, elle devient sa propre race, là, si on peut dire. Donc, oui, c'est ce qu'on pourrait appeler une race mentale, car à mes yeux, il n'y a pas de race. J'ai côtoyé trop de gens différents pour considérer ça comme que les races différentes seraient des races physiques comme les Noirs, les Asiatiques. À mes yeux, il n'y a que des races mentales sur Terre. Parce qu'un esprit d'un tel type peut habiter quelqu'un de n'importe quelle race. Donc, il n'y a que des races mentales. Et puis, ce qu'on appelle les races dans notre langage là, humain subjectif, ça, c'est plus lié à la superficialité de la forme puis des apparences. Mais au-delà de ça, nous sommes habités, tout chacun est habité par des intelligences de types différents. Et c'est ça, à mes yeux, des races mentales. Donc, autrement dit, est-ce qu'on peut dire que tu te définis comme étant quelqu'un qui est branché sur le plan mental plutôt que astral? C'est là que ça devient délicat parce que si je me mets à dire que je ne suis pas branché sur l'astral, tout de suite, j'ai l'impression que de dire ça, c'est astral. Non, je comprends. Ça peut t'amener à. Sur ce terrain-là qui est glissant. Si je le prends autrement, c'est qu'on peut-tu dire que tu es branché sur une vibration qui diverge de celle de la majorité? Oui. Mais Bon. chaque individu diverge de toute façon. Et puis, on est porté beaucoup là, à voir encore les choses au niveau là, de la grégarité. Et je pense là, que ça nuit beaucoup, ça. Donc, on catégorise beaucoup. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, j'essaie de ne pas le rationaliser ni de trop l'intellectualiser. Mais je me considère comme quoi Mais que attends une j'ai. minute, c'est parce que toi-même, tu te mets dans une catégorie. Tu prends la parole sur Oui, YouTube pour oui. dire que tu appartiens à une race mentale. Donc, Mais je veux c'est dire, le cas de tout le monde. ouais, mais je veux dire, tu participes à ça. Moi, dans mon cas, j'ai pas sorti sur YouTube pour affirmer une telle chose. Oui, ça peut sembler paradoxal, mais au sens là où j'appartiens à une race mentale, c'est au niveau là que je considérais de la capacité à produire quelque chose qui justement détonne peut-être que. Puis j'ai cherché beaucoup là dans le monde culturel des gens qui justement pouvaient s'être approchés de cette approche-là, mais à part des théoriciens d'il y a longtemps qui sont décédés, où je n'ai trouvé absolument rien, et même au niveau des mathématiques, des systèmes que j'ai développés d'une façon autorégulée, par après, par des recherches, même c'est allé loin, j'ai passé 4 ans à voir si ma façon là, de crypter de l'information avait existé avant. Et ce que j'ai trouvé de plus proche, c'est un mathématicien allemand qui est décédé depuis longtemps et ça ne s'en approche même pas. Donc, c'est à ce niveau-là là, que je dis, bon, ben, j'appartiens à une race mentale. Mais quand bien même, là, je serais peut-être tout seul, mais même là, c'est de la façon dont je l'ai dit, oui, ça prête à interprétation beaucoup. Et puis, c'est un peu comme si je me disais, c'est un peu comme si j'arrivais sur la place publique et je disais, bon, je suis à part, hors de l'ordinaire, écoutez-moi. Et pourtant, ce n'était pas ça, le but qu'il y avait derrière. Mais C'était ça peut être lié. interprété comme ça par Oui. certains individus immatures qui, malheureusement, vont reprendre tes propos et les retourner d'une façon autre que l'intention de départ que tu pouvais avoir. Ben, c'est pour ça par après que je disais, bon, c'est un montage que j'ai fait par rapport à des choses que j'ai hésité longtemps, que j'avais peur que ça soit interprété comme ça, parce que j'avais du doute probablement par rapport à moi-même que je projetais sur les autres au niveau comment ça va être interprété. Si c'est interprété psychologiquement, bon, ça va avoir l'air prétentieux. Mais il reste que moi, je suis pris avec ça, là. Je suis quand même pris avec du matériel que j'arrive pas à classer, que j'arrive pas à. Je fais des recherches, j'essaie de trouver quelque chose de semblable qui était fait, puis je ne trouve rien. Puis à un moment donné, il y avait une exaspération aussi, puis je me dis, s'il y en a d'autres, peut-être qu'ils vont se manifester si je fais une sortie comme ça. Et est-ce qu'il y en a eu? Non. Donc, ça confirme que tu es unique. Oui, ben ça. Ou que Chacun c'est pas est le temps que unique, tu là. en rencontres des gens qui sont sur la même, j'allais dire même vibration, mais la même mental, là, mais peu importe. Le point, c'est que par rapport à des gens qui peuvent sortir publiquement, parce qu'il y a eu Bernard qui est sorti publiquement pour dire qu'il était un initié. Le risque, c'est qu'il y a certaines personnes qui prendront pas ça au sérieux, vont se moquer de l'individu. Il y en a d'autres, au contraire, vont être fascinés et peuvent même vouloir en faire une religion. Ah oui, c'est très dangereux. Et puis, ce qui est paradoxal aussi, c'est que quelqu'un qui va avoir une faible estime de soi, qui va être timide, qui n'ose pas parler, les gens vont dire, ben lui, je l'aime, il est sympathique, c'est quelqu'un de simple, et puis il se prend pas pour un autre, alors qu'au fond, c'est le contraire. Et puis, quelqu'un qui sait quelque Ben, attends une chose, minute, pourquoi c'est le contraire? c'est le contraire parce que la personne, au fond, si elle est timide, qu'elle est simple, et c'est parce qu'il y a du conditionnement qui fait que la personne ne se fait pas confiance. Et puis, on va avoir tendance à avoir de la sympathie, justement, pour des gens qui vont s'auto-dénigrer, ils vont vouloir, qui n'auront pas vraiment d'ambition, là, au niveau de leur créativité. On va dire, ils se prennent pas pour un autre. Mais quelqu'un là qui est sûr de lui-même, qui ose dire quelque chose que personne d'autre n'osait dire et qu'il sait que c'est ça, puis qui ose le dire, les gens vont dire pour qui il se prend. On dirait que plus on devient soi-même, là, pour au sens où je le dis, mais au sens de ce que je veux dire, là, c'est là que ça devient peut-être délicat. Plus quelqu'un est fidèle à lui-même, plus il va être considéré comme les gens n'auront pas de sympathie, là, justement. C'est un peu comme, pour prendre un exemple, là, moi, ma mère a une sainte horreur d'André Moreau depuis des décennies, parce que pour elle, André Moreau, il se prend pour un autre, et puis, mais pourtant, Monsieur Moreau, c'est quelqu'un qui est totalement lui-même. Et puis, ça va pourtant, c'est pas pour, pourtant, ce sera pas vu comme ça, là, par la majorité. Je fais pas l'apologie de Monsieur Moreau, Oui, mais ben je pour lui. le situer un petit peu par rapport aux gens, quand on introduit comme ça quelqu'un, ça peut être intéressant de le mettre en contexte parce que les auditeurs d'un peu partout qui ne connaissent peut-être pas ce célèbre philosophe jovialiste qui a été populaire ici au Québec dans les années 70, donc qui visait à Oui. introduire une philosophie et qui s'appelle le jovialisme. Donc les gens qui voudront faire une recherche après l'écoute de l'enregistrement, vous n'avez qu'à taper André Moreau jovialiste et vous allez pouvoir trouver des liens là, sur Internet à son sujet. Et puis, quand bien même, là, sans être obligé d'adhérer à M. Moreau comme un maître, il reste qu'il est extrêmement divertissant. Et puis, c'est dans les premiers là, que j'ai vu, qui a dit, là, de pourquoi ne pas atteindre son propre sommet, qui osait dire j'aime infiniment, et puis pourtant les gens ont réagi extrêmement négativement, et pourtant cette personne-là, ce que j'endosse pas tout, mais un crédit qu'on peut lui donner, c'est que cet homme-là a fait le choix d'être totalement lui-même, d'être intégralement lui-même, de ne pas avoir de filtre, et pourtant les gens vont dire pour qui il se prend, mais il se prend pour lui-même. Alors que souvent, les gens qui vont être timides, qui vont être ternes, qui vont se dénigrer, qui ne se font pas confiance, oh, eux, ces gens-là, là, eux, on les aime, on s'identifie à eux, ils sont simples, là, ils sont sympathiques. Et puis, c'est là que des fois, j'hésite, je me dis, il y a des choses que je fais pourtant sincèrement, puis c'est un mouvement qui va de soi et qui pourtant puis risque d'être interprété comme de l'excentricité ou de la fantaisie, alors que ce n'est pas le cas. Et puis, il y a un certain mépris là, qui risque de s'installer pour des raisons justement de projection grégaire, parce que nous sommes portés là, à hiérarchiser les gens, alors qu'à mes yeux, il n'y a pas de hiérarchie, là, des catégorisations, c'est subjectif. Chacun est chacun, et chacun est lui-même. Et puis, C'est à ce niveau-là là, que je me dis, bon, si c'est interprété psychologiquement, ce que je dis, ben là, je suis faite. Je suis faite, je vais passer pour pire que en tout cas. Oui, ben c'est ça, mais en même temps, tu peux pas gérer toutes les interprétations possibles qui peuvent venir des gens. Si j'ai trop d'appréhension, ben là, ça devient un blocage. Oui, parce que tu tombes dans le processus de réflexion, donc t'es plus dans le moment présent. C'est pour ça que souvent, je vais enregistrer une vidéo. Je le fais là, sans filtre et puis d'une façon naturelle. Et ça va, c'est un mouvement qui va de soi. Mais c'est après là, que j'hésite à le mettre en ligne. Qui, heureusement d'ailleurs qu'on peut faire du montage et des choses comme ça. Parce que sinon, je risquerais d'avoir l'appréhension avant de faire la vidéo au lieu d'après. Et ça serait nuisible. Oui, parce que ça bloquerait ta créativité. Ah oui, ce serait vraiment, ce serait pas mal plate, là, quoi que je sais pas pour une raison de divertissement, là. Mais de toute façon, ce que je dis, je ne prends pas nécessairement au sérieux. Donc, si des gens, là, réagissent, d'une façon, là, très, très grave, là, très négative, et puis, moi, ça ne me dérange pas, là. C'est pour ça que je ne fais pas de censure sur ma chaîne. Si vous voulez venir me traiter de fou et de crétin, vous pouvez le faire. Je n'ai aucun problème avec ça. Parce que si justement je me mettais à vouloir gérer tout ce que la perception des gens, et puis tout, ben finalement, je ne ferais rien. Oui, parce que tu voudrais pas déplaire à autrui, puis ça te bloquerait dans l'expression. Oui. Mais sinon, parlant de gens qui vont faire des commentaires sur ta chaîne, je sais très bien que l'expérience que tu as faite à l'égard d'une prophétie a engendré beaucoup de commentaires, et j'aimerais t'entendre à ce sujet. Ben moi, à mes yeux, c'était prévu, je le savais au fond. Mais comme souvent, nous doutons de ce que nous savons, donc j'ai quand même eu une surprise quand ça a commencé. Et puis je me disais, bon, et puis d'un autre côté, je me disais, ces réactions-là viennent confirmer ce que je dis, mais les gens qui réagissent justement, c'est parce qu'ils interprètent ce que je dis, ne le comprennent pas. Souvent, je le vois, là, de la façon dont, de ce qu'on m'écrit. Et puis finalement, ben, ça fait partie de l'expérience. J'y vois une continuité de ce dont je parlais. C'est-à-dire que pour se remettre en contexte, puis les gens qui sont pas à l'affût de cette situation sur ta chaîne, c'est que tu avais créé une vidéo où tu faisais une fausse prophétie et les gens l'ont pris au sérieux et il y a eu des milliers de visionnements et par la suite, tu as débunké la prophétie, c'est-à-dire t'expliquer en quoi ça consistait, mais les gens se sont pas intéressés à la vidéo explicative pour plutôt adhérer puis croire à la première vidéo que tu avais faite. Oui, en plus, je l'avais dit. J'avais dit, je vais créer quelque chose d'artificiel qui ne vaut rien, qui va attirer énormément d'afflux, ça va faire un buzz. Et ensuite, je vais créer quelque chose de concret puis de sérieux pour défaire ça. Et ça n'aura pas le même intérêt. Et justement, ce que ça a attiré, c'est des gens qui sont beaucoup là, à la surface des choses et puis, sans s'en rendre compte, ils participent à l'expérience, ils continuent là, à démontrer ce dont je parle. Et puis, jusqu'à un certain point, j'ai trouvé ça comique, là, ça m'a amusé beaucoup. Mais des soirs où je recevais là, tellement de courriels que Outlook a été obligé de me créer quelque chose d'à part là, pour que je puisse gérer des courriels secondaires, les commentaires secondaires. Il reste que je me disais, bon, là, ça commence à devenir difficile à gérer. Puis je me disais, je devrais peut-être l'effacer, l'enlever. Mais finalement, ça a créé une polémique, puis certains débats, puis certains conflits entre personnes, surtout en Europe. Et finalement, ça a créé encore un afflux d'abonnés parce qu'à travers, il y en a des gens qui comprennent parfaitement où je veux en venir, qui comprennent ce que je dis. Donc finalement, j'ai engendré quelque chose qui a du négatif, si on peut dire, là, puis du positif, si on peut dire. Mais ce n'est pas grave parce que, bon, ben, ceux qui comprennent, ben, j'ai fini par avoir des contacts avec eux. Et puis ceux qui ne comprennent pas, ne comprenaient pas avant, ne comprendront pas après non plus. Et puis ce n'est pas grave. Au fond, ça ne change rien. Mais d'un autre côté, quand on regarde cela, la vidéo avec la fausse prophétie a plusieurs milliers de vues. Là, c'est rendu à combien? Oh, je suis pas allé voir, je regarde pas. Il me semble que c'était au-dessus de 1500, tandis que celle que tu expliquais en a peut-être, je sais pas, moins une centaine de vues. Tu sais, il y a un déséquilibre entre les deux, là. Ah oui, puis c'était prévu en plus. Je l'avais dit que ça ferait ça. Puis ça me surprend pas. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté la vidéo, qui n'ont pas pris la peine par la suite de retourner sur ta chaîne pour aller écouter celle explicative qui explique que c'est pas vrai. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à croire à ça sur cette vidéo concernant une prophétie à l'égard d'Emmanuel Macron. Et oui, et puis de toute façon, ces gens-là, s'ils sont tombés là sur ma prophétie, c'est parce qu'ils couraient ça, ils croient des prophéties, et puis ils étaient portés à faire ça, puis ça vient, ils viennent comme ça rationaliser leur vision du monde, puis ça leur permet là, au lieu de situer le monde par rapport à eux-mêmes, c'est le contraire, si on peut dire, puis d'une Ben certaine oui, parce qu'ils sont façon, ben. fascinés par des prophètes, que ce soit des vidéos de toi ou d'autres qui ont attrait de prophéties de Nostradamus ou d'autres gens qui ont été dans l'histoire des figures de référence. Ben, ces éléments-là créent une fascination qui fait que ces gens-là ne développent pas leur individualité, leur identité propre. Oui, pas à cause de la fascination, justement. Et Exact. puis, ce qui est spécial, là, que j'ai trouvé spécial par rapport à ça, c'est que ceux qui ont pris la peine d'aller plus loin, puis que là, qui sont tombés qui se rendent compte qu'ils se sont fait avoir au fond, ils réagissent encore plus agressivement. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une réactivité émotionnelle, donc parce qu'ils prennent les choses du premier niveau. C'est ça. Puis, même là, bon, et puis moi je trouve que ça a été quand même intéressant à faire, mais je ne referai plus jamais ça. C'était bon pour. Ben, c'était bon. C'était ni bon ni mauvais. Au fond, par après, je me dis, j'ai vu ça comme un caprice de ma part. C'était de l'enfantillage. Donc, autrement dit, tu as été capable de jeter un regard critique à l'égard de ton action. Ben, c'est que je l'ai vu, l'enfant espiègle les joueurs de tour que je suis encore à travers ça, et je me suis dit, bon, ben, il y a un certain manque de maturité de ma part, mais comme je l'ai fait d'une façon spontanée, sans y réfléchir, je me dis, bon, ben, coudonc, est-ce que ça vient vraiment là de moi ou il y a sûrement des raisons qui m'échappent là au niveau de pourquoi j'ai fait ça? Mais il reste que je le vois là, c'était clairement, il y avait quelque chose de vaniteux là-dedans, d'une vanité intellectuelle. Et puis par après, je le vois là, l'enfant détestable, je le vois là. Puis même par après, il y a des gens qui me répondaient parce qu'il y avait une autre vidéo par rapport à ça. Et puis j'arrivais de chez une dame là, qui fait de la comptabilité. Et puis bon, vu que c'est un endroit qui a du décorum et tout, je m'étais habillé. Puis en rentrant, quand j'ai vu que il y avait justement là, un prophète auquel je faisais référence, ben quelqu'un qui parle de prophétie était tombé exactement dans ce que je disais, mais que je l'avais pris de vitesse. J'ai fait une vidéo sans me changer où j'ai l'air carrément là, extrêmement vaniteux. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que au niveau de l'apparence, là, j'avais l'air d'une sainte nitouche. Et puis mais le pire, c'est que je suis parfaitement d'accord. J'ai l'air d'un prétentieux vaniteux. Et moi, quand je le revois d'une façon extérieure, oui, je me trouve, c'est parfaitement ridicule. Et puis, mais il reste que j'ai pas de problème avec ça. Et puis, ça m'a servi aussi. Ça m'a servi à me rendre compte que j'ai une superficialité, que j'ai une personnalité, que je suis pris avec. Ben, je suis prêt avec. J'espère que c'est pas éternel, mais il reste qu'il y en a là-dedans des fois qui m'insultent et j'ai envie au fond, ils ont raison. Ils ont raison. Mais quand, si je leur écris, vous avez raison, et ils vont penser que je me moque d'eux, donc je n'ose pas le faire. Et puis il y a des choses que je passais à côté, là, que je me dis ça me donne rien de répondre à ça. Mais quand même, là, je le vois, là, disons que ça m'aide à regarder mes défauts. Oui, mais si tu l'utilises un peu comme à la manière d'un miroir pour être capable de t'observer à travers l'expérience et te redéfinir créativement à la lumière de cette compréhension, c'est sûr que ça peut être intéressant. Puis dans une autre optique, le fait que ça t'a amené rapidement avoir beaucoup de visionnement, à te créer un auditoire presque instantané, eh bien, ça montre que quelque part, cette expérience a pu te mettre en contact avec beaucoup de gens en peu de temps. Oui, mais ça, par exemple, je le savais que ça arriverait. Il y a beaucoup de... Ben, par rapport à ça, là, je me doutais que ça arriverait parce que peu importe là, ce qu'on fait, il y aura tout le temps quelqu'un qui va s'identifier à ce qu'on dit puis ce qu'on fait. Mais il Ben, attends une reste... minute, je t'interromps, ça dépend. Je veux dire, comme moi, je fais des vidéos un peu plus d'un an sur une autre chaîne sur YouTube, au nom de David Lévesque Supra, et il n'y a presque pas de visionnement. Donc, c'est pas Ah, en mais résonance avec les gens. c'est parce que t'as moins de défauts que moi, là. Ben, attention! J'en ai encore parce que le jour où ce que j'en aurai plus, je ne serai pas intéressé à utiliser la parole pour me réajuster en vue d'intégrer une conscience plus définie de moi-même. Donc, autrement dit, je ferais autre chose. Moi, ben, c'est sûr que ce que j'identifie que j'ai eu beaucoup de vues, là, c'est parce que ça faisait dur pas mal, puis c'est bien discutable ce que j'ai fait, puis c'est un peu chercher le trouble ce que j'ai fait, puis c'est sûr que ça attire l'attention. C'est là que je dis que j'ai agi en enfant un peu. Mais si C'était tu veux certain que ça attirer allait. l'attention, c'est d'être conscient de tout ça, là. Mon but, c'est pas de te culpabiliser à travers cet enregistrement-là. Oh non, c'est impossible de me... Je me sens pas coupable. C'est très difficile de me culpabiliser. Bon, ben, c'est excellent. C'est juste le point que je voulais t'amener. C'est de voir qu'à quelque part, les gens sont fascinés par ça. Et si du jour au lendemain, tu veux aller chercher des milliers de vues ou moi-même, ben, j'ai juste annoncé que dans le cadre du prochain épisode, vous allez avoir une prophétie. Oh Donc, ça peut m'aider à aller chercher d'autres visionnements en disant que je vais aller faire une prophétie dans le cadre du prochain enregistrement parce que y a un public pour ça. ah oui, c'est ça. Et puis même quand on parle de quelque chose pour le dénoncer, au niveau là, de la façon dont c'est interprété, il y a les gens vont. J'ai probablement des gens qui me suivent et qui s'y comprenaient là, ce que je dis, ils se désabonneraient. J'en ai probablement aussi qui me suivent parce qu'ils ne m'aiment pas. Il y en a des gens qui font ça. Mais tu étais Et un puis. petit peu à ce moment-là comme à Woodstern. Je ne sais pas si tu avais vu le Ah film oui. par rapport à cet animateur radio américain et qui, au moment de recevoir les codes d'écoute de radio, lorsque les gens sont interviewés par rapport à l'écoute de son émission, qui est qualifiée par certains de trash radio, parce que c'est des émissions où ce qui dit vraiment tout ce qui passe par la tête, il y avait davantage d'auditeurs qui déclaraient l'écouter puis longtemps, parce qu'il n'aimait pas ce qu'il disait, plutôt que ce qu'il appréciait. Oui, puis ça disait, ben pourquoi vous continuez de l'écouter si vous ne l'aimez pas, pour voir ce qu'il va dire ensuite. Ça montre qu'à quelque part, les gens étaient fascinés par sa parole. Ben si on prend par exemple les gens là, par rapport au supramental au début, là, dans les années 70-80, même si le supramental était quelque chose qui était là un peu pour désamorcer ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme. Il y a eu des formes ésotériques qui ont été utilisées. Les sujets étaient ésotériques en apparence. Pourquoi? Parce que ça créait un intérêt. Oui, et lorsque Bernard de Montréal a abordé des sujets plus en lien avec la psychologie évolutionnaire, qui était en relation avec un vécu d'une conscience au quotidien, ben les gens se sont désintéressés de ça. C'est-à-dire qu'il y avait moins de gens qui fréquentaient ces salles de conférences, alors qu'au début, lorsqu'il parlait de sujets à caractère ésotérique, il y avait des salles pleines, des fois de 500 ou de 600 personnes. Oui, ben c'est ce que je vois là-dedans, c'est que on va créer, si on peut dire là, un tri autorégulé avec le temps pour un peu la quantité n'est plus là, mais peut-être que la qualité là est là. Oui, à ce moment-là, ben, c'est sûr que ça amène justement un tri parmi l'auditoire. Donc, c'est sûr que si les gens te suivent encore aujourd'hui, alors que tu ne fais plus de prophétie, ça montre qu'à quelque part, ils ont été capables de s'adapter à ta vibration. C'est ça, comme ça me fait une visibilité sur des milliers de personnes, mais c'est ceux-là, justement, qui vont aller au-delà, là, de ça, qui, jusqu'à eux, vont rester. Puis ça, je trouvais que, bon, c'est quand même bien, là. Je trouvais que il reste que c'est certain, là, que au niveau, là, de l'éthique, je me suis beaucoup remis en question par rapport à ça. Mais comme je suis quelqu'un d'un peu, bon, c'est sûr qu'il y a un certain orgueil puis une certaine vanité, je l'ai gardé pareil. Et puis, je ne savais pas non plus, là, vraiment, là, souvent, je vais chercher quelque chose, je ne sais même pas ce que je cherche, et je vais comprendre ce que je cherchais quand je le trouve. Et puis là, j'avais fait une action, et puis je me disais, bon, ça va, je ne savais pas, là, ce que ça allait apporter. Mais après coup, par contre, là, je vois, là, pourquoi, je comprends mieux. Sinon, mais ma perception par rapport à ta prophétie, puis d'ailleurs, je t'avais écrit par courriel parce que je questionnais l'éthique de cette pédagogie que tu voulais faire auprès du public, c'est que Avec moi, raison. bon, c'est que moi, de mon côté, ce que j'ai reçu, parce que j'ai une communication interne avec ma conscience, c'est que si moi, je vais le ramener à moi-même, parce que bon, par rapport à toi, ça peut être autre chose. C'est que moi, mon esprit voudrait pas que je fasse ça parce que même si ça serait pour des raisons pédagogiques de montrer de l'importance aux gens de ne pas croire, si j'insinue une croyance, c'est parce que je joue le jeu de l'astral, donc ces forces qui visent à créer de la désinformation et fasciner des individus pour engendrer des égrégores d'énergie dont ils sont nourris à partir de cultes, que ce soit le culte de Nostradamus ou d'autres personnes. Donc, même à des fins pédagogiques, de temporairement vouloir astraliser des gens avec des prophéties, du point de vue de mon esprit, ça se fait pas parce que tu participes au jeu de l'astral et même si c'est pour dénoncer précisément l'astral et la désinformation. Ben oui, ça se tient parfaitement. Puis, mais même intérieurement, là, si je me dis, est-ce que c'est réellement, là, c'est quelque chose, là, que j'ai fait au sens que, comme si j'avais été un mercenaire de l'astral à ce niveau-là, j'ai l'impression que non, mais même là, si je dis j'ai l'impression, ça veut dire que je suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Mais c'est un peu une question de peut-être de rentabiliser, de prendre du négatif, d'essayer de le rentabiliser, de le sublimer en autre chose. J'ai vu à long terme, par exemple, là, j'ai la questionnement éthique est parti. Mais c'est certain, là, au début, je me disais, bon, est-ce que ça fait de moi, là, quelqu'un qui travaille en disant le contraire, là, qui est en train de jouer le jeu de ces choses-là? Mais il reste là que l'astral, à un moment donné, il va falloir que l'être humain, il s'en serve pour lui-même. Mais ça peut sembler, là, ridicule de dire ça au sens que c'est un paradoxe, ça n'a pas l'air logique. Mais il reste que même si l'astral, là, qui était quelque chose, là, de retardateur, de polluant, de choses-là, ces choses comme ça, il reste que l'astral a été créé par des intelligences au-dessus de l'astral et que ça a été voulu et qu'il y a certainement des raisons. Temporaire d'évolution liée au fait que certaines consciences n'étaient pas en mesure de soutenir d'une manière volontairement consciente un contact avec le plan mental. Mais une fois que la personne a cette capacité, il est mieux de travailler avec le plan mental parce que sinon, elle travaille avec des énergies qui sont basses, qui ont tendance à vouloir à abaisser sa vibration pour l'influencer. Ben, ça revient au même, là, si on peut dire, comme je dis, d'aborder, là, dans les années 70-80, des sujets ésotériques qu'on aurait pu voir ça à ce niveau-là comme discutable. Mais pourtant, à long terme, ça devient, là, c'est différent un peu. Mais il reste que oui, je me dis, oui, probablement que j'ai été. Puis le pire, c'est que je le savais un peu, mais il reste que l'astral, même si on les aime pas, puis tout, ben, ils font une job, ils font leur job. Puis à un moment donné, ben, ce plan-là va être carrément détruit. Mais là, il semblerait, là, qu'on ait encore pris avec ça. Parce que s'il fallait que l'être humain rentre en contact avec l'esprit dans l'état où il est là, ben, ça détruirait l'âme, ça détruirait certaines structures, il ne pourrait pas le supporter. Et puis, l'astral, c'est certain que il y a là, au-delà là, de l'idée qu'on peut avoir que bon, ben c'est un plan manipulateur, vampirique, et puis il reste qu'il remplit une fonction, et puis que même là, il reste là qu'on est encore pris avec un bout de temps. Puis ben un bout de temps, on en a. Moi, je vais être décédé depuis très, très longtemps, là, quand ça va être fini, ça. Oui, par rapport à l'astral mondial, mais ça n'empêche rien que de ton vivant, tu peux neutraliser ton contact avec le plan astral pour pas en souffrir. Ah, ben, moi, l'astral, je peux considérer que, moi, il reste qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de confronter ça. On peut neutraliser, là, tout ce qui a rapport à ça, mais il reste que, même là, ils vont finir par comment, par d'autres. Ils sont tout le temps présents pareil, là. Même quelqu'un qui aurait complètement neutralisé l'astral en lui-même va être confronté à de l'astral en dehors de lui tout le temps. Ben, c'est-à-dire que la personne peut être testée, mais elle va rester dans un état d'équilibre psychique parce qu'elle ne se laissera pas soumettre à l'autorité de cette énergie pour avoir des paroles ou des actions qui manquent d'ajustement. Oui, c'est vrai. Par rapport à ça, là, le fait d'être testé, j'ai eu, là, si on peut dire, là, dernièrement, il y a eu un dialogue là, interne par rapport justement aux tests là, qu'on peut subir. Et puis, si je demande, là, que je dis, ben, vous nous testez pour voir le résultat, je comprends pas, vous. Et puis, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir, ils savent là, si on va réussir ou non le test. Ils le savent d'avance quand on est soumis à un test. Si je parle là, de quelque chose de plus élevé que l'astral, ils savent si l'ego va réussir ou non le test, mais ils ne le font pas pour voir ou pour savoir, ils le font pour l'ego. C'est l'ego lui-même qui voit qu'il manque ou qu'il réussit le test, et c'est lui qui se situe par rapport à ça, Mais parce attends une que. minute, parce que les entités du plan mental vont faire aussi l'étude de l'ego à l'égard du test. Parce qu'ils étudient comment qu'on réagit, si on vibre à de l'émotionnel, si par exemple on a de la réactivité émotionnelle à l'égard d'un événement qui nous teste. Ah, je le vois plus comme ça parce qu'ils savent déjà. Ben, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une idée au niveau théorique, mais l'observation pratique de comment, par exemple, une personne se comporte à l'égard d'un événement choc comme un accident d'automobile, pour voir si la personne va se relever puis se continuer à conduire l'automobile ou au contraire sombrer dans la peur et ne plus vouloir jamais le reste de sa vie conduire une automobile, ben ils vont regarder à travers ça si la personne va s'effoirer sur la peur ou au contraire avoir la volonté de persévérer dans un comportement. Si la personne va s'effoirer ou avoir la volonté, ils le savent déjà. Ben, ils peuvent en avoir une idée, mais la confirmation va passer à travers l'événement concret sur le plan matériel. En tout cas, je suis persuadé que lorsque je suis testé, le résultat, l'information en tant que résultat, c'est pour faire évoluer l'ego, que l'ego se situe par rapport à son expérience. Parce que les tests, ils savent déjà d'avance. Bien, il y a des choses qui peuvent être sûres. C'est sûr que si, par exemple, la personne est confrontée à un accident, ils savent très bien que la personne ne mourra pas dans l'accident. Par rapport à la manière qui est coordonnée, bien, ça, ils savent que la personne va passer à travers l'accident d'automobile dans le cadre de cet exemple. Sauf que ce n'est pas parce qu'ils le savent qu'à quelque part, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas étudier comment que la personne va réagir intérieurement à l'égard de l'événement. Ben, ils vont regarder à travers la personne, si on peut dire, mais à mes yeux, là, ils savent, ils le savent, c'est vraiment, là, ils sont au courant, là, de si la personne, elle va, c'est dans le fond, l'information, elle est pour l'ego, à mes yeux, parce que eux autres, là, si on arrive à des plans, là, qu'ils sont tellement avancés, ils savent tout, je veux dire, ils Ben, moi, je n'irais savent. pas jusque-là parce que les prophéties, peu importe l'individu, que ce soit Nostradamus ou d'autres qui ont été adulés au fil du temps, n'ont pas la capacité d'avoir une voyance absolue. Et sur le plan mental, même eux autres, de mon point de vue, n'ont pas de voyance absolue à l'égard des événements qui vont avoir cours sur Terre. Oh, ça, rendu à ce niveau-là, là, j'ai pas le choix de dire ça. Je le sais pas. Mais je sais que, par exemple, là, après un test, que je vois là, comment je réagis par rapport à, justement, aux circonstances, puis que je demande, là, je dis, vous le saviez que ça allait faire ça? Puis ils vont tous, c'est toujours oui. L'informent assez pour que je me situe, que je vois là, par rapport à mon expérience, que je vois justement où je suis rendu, est-ce que j'ai la capacité ou pas, selon ce qui arrive. Mais si je demande, vous le saviez, là, que ça, je ne serais pas capable de le gérer, ils disent, oui, ils le savent. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis oui, l'essentiel des tests sert au développement de l'ego qui se regarde à travers l'événement. Parce que de leur point de vue, le test en termes d'événements physiques, ils peuvent comprendre les coordonnées de tout ça. Ils peuvent savoir que, bon, s'il y a un accident, la personne est positionnée de telle façon qui va faire en sorte qu'elle ne mourra pas. Donc, il y a cet aspect-là au niveau de la régulation des événements par rapport justement au mental systémique que tu parlais tantôt. Qu'ils peuvent avoir une appréhension à ce niveau-là. Oui. Rendu à certains niveaux, là, je sais même pas si on peut parler d'idées puis d'appréhension. Je sais, parce que c'est des concepts tellement formels. Je sais que si on parle du plan mental, là, par rapport à des intelligences, juste oui, qui vont avoir eux autres, ils vont même avoir ce qu'on pourrait appeler, là, même si ça n'en est pas, entre guillemets, de la curiosité, mais ça n'en est pas. Mais il reste que, au-delà de ça, il existe là, de l'intelligence que ils savent et Mais en même puis temps, ils savent pas tout parce que sans ça, ils n'auraient pas créé l'être humain en faisant l'une des erreurs majeures qui consiste à générer des êtres humains s'appuyant sur une âme qui n'est pas capable de se corriger par elle-même. Parce que les architectes qui ont construit l'univers dans lequel on est situé, eux autres, ils pensaient que par défaut, l'âme allait se corriger par elle-même, alors que ce n'a pas été le cas et c'est ce qui a occasionné les guerres, les problèmes sociaux qu'on connaît à l'époque présente. ben, à mes yeux, il y a quelque chose d'une anthropomorphisation un peu là-dedans. C'est un peu, si on regarde là, dans l'Ancien Testament, il y a, tu sais, au niveau là, des vieilles affaires, puis qui créent des paradoxes, justement, là, au niveau des gens spiritualisés qui vont leur créer de la souffrance, puis c'est là qu'ils sont obligés de mettre le mot mystère parce que il va créer. Dieu, il crée Adam, il crée imparfait. Ensuite, il y a un contexte qui fait que Adam est mis à l'épreuve, puis il rate l'épreuve. Puis ensuite, là, Adam, il est coupable de ça. Donc, Dieu va créer Adam imparfaitement. Il le met dans une situation qu'il sait qu'il n'a pas les capacités de réussir, si on peut dire, un test. Puis après ça, il va le blâmer. Sa créature imparfaite, qu'il a mis dans une situation qui allait se planter. Puis il va dire, ben là, t'as enfreint là, la loi, puis là, ça va retomber sur les générations. Et puis, mais au fond, à mes yeux, ce qui est imparfait a été créé imparfait sciemment, parce que, justement, c'est dans une optique d'évolution. Et puis, il va y avoir des tests qui, justement, la créature imparfaite va se planter. Mais c'est encore une fois pour que la créature, elle se voit plantée, là, et puis qu'elle se voit imparfaite. Et à mes yeux, c'est dans une optique d'évolution, au sens que, parce que le mental, si on pourrait appeler là, ce qui est la conscience égoïque, justement, structurellement, c'est quelque chose qui est dans une optique d'évolution. Donc, c'est certain qu'elle est imparfaite, là, mais parce que justement, au niveau là, de l'individualisation là, de l'intelligence sur un plan comme le nôtre, qui est un plan vraiment terrible, là, je ne sais pas, là, moi, si ça me tenterait à mettons, là, que je sors de la matière, je ne suis pas sûr que ça me tenterait de revenir. Et puis, il reste que, à mes yeux, là, tout est su, tout est su, tout est voulu, rendu à certains niveaux, là. Même Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que de ton point de vue, la genèse de l'être humain, son origine de par les créateurs, bon, certains vont parler d'entités systémiques qui ont engendré les systèmes physiques, c'est que à quelque part, ça a été créé comme ça l'a été et il n'y a pas eu d'erreur dans la construction de l'être humain. Ben, c'est que au niveau là, de quelque chose comme un plan comme dans lequel nous sommes prisonniers, au fond, nous ne sommes pas libres, il ne pouvait pas faire descendre l'esprit d'un coup. C'était impossible, ça n'était pas possible. Il fallait qu'il y ait des structures qui filtrent et puis qu'il y ait une progression, qu'il y ait quelque chose de. Parce que justement, au niveau là d'accumuler, bon, si on peut dire là, que les structures évoluent, puis c'est vraiment une optique là de. On est pris là dans un plan où tout est lié à de l'amplification ou de la dégradation, où le plan matériel là fonctionne selon des lois comme ça, et l'être humain n'avait pas le choix là d'être comme ça là, au niveau là de ce qu'on pourrait appeler le germe de son germe là, avant de parce que de toute façon l'être humain, s'il était parfait, il ne peut pas aller dans la matière. Il n'y aurait pas pu, l'incarnation aurait Ah, été ok. impossible. Autrement dit, ce qui me vient en tête, c'est que si son énergie aurait été parfaite, son énergie n'aurait pas pu descendre, abaisser son taux vibratoire pour se densifier dans la matière. Donc, Ah la oui. descente de l'âme dans la matière n'aurait pas été possible. Mais en même temps, c'est que lorsque l'âme est prise dans la matière, qu'elle va souffrir à un certain niveau de son imperfection, ce qui fait qu'elle peut rechercher l'état primaire dans lequel elle était avant incarnation, avec un taux vibratoire très élevé. Oui, puis c'est là qu'il est le piège. Il y a un piège là-dedans, au sens où il va y avoir des pensées liées au retour à l'état de non-matière, mais une âme, une fois qu'il y a eu descente là, dans la matière, elle ne peut pas retourner d'où elle vient à sa source. Là. C'est là qu'elle va être archivée sur des plans, et puis elle va être obligée de revenir dans la matière. Parce que justement, il y a un piège, là, on ne peut pas remonter à la source en sortant de la matière. Il y a un processus d'enclencher, puis l'âme, là, elle n'aura pas le choix de. Ceux qui vont pas raccorder là, avec la source au niveau de l'incarnation tout de suite, et puis qui vont avoir des pensées, des instincts de retour à l'état de non-matière, ils ne vont pas retourner là d'où ils viennent, tout est réarchivé, et ils vont être obligés là, de redescendre dans la matière jusqu'à ce que le processus soit complet. Donc le processus ici, tu parles de la fusion avec l'esprit. Oui, parce que l'esprit ne peut pas descendre d'un coup dans la matière, même si jusqu'à un certain point c'est le cas, mais au niveau là, du mental égoïque, là, de la conscience égoïque, là, expérimentale, l'être humain, c'est dommage, mais l'esprit, il ne peut pas, là. Il fallait qu'il y ait quelque chose d'intermédiaire, et c'est là que l'âme, en tant qu'au niveau là, de l'expérience, et puis de l'enregistrement de l'expérience, et puis au niveau de quelque chose qui est un processus, ben il fallait un intermédiaire, il fallait quelque chose d'intermédiaire. C'est là que l'âme remplit son rôle. Mais une fois que l'être humain, qu'il devient là esprit, et puis des êtres extrêmement évolués n'ont plus besoin là de l'âme. L'âme est là justement là parce que l'esprit ne peut pas là au niveau là pur là. Je me demande quelqu'un là qui accueillerait l'esprit d'un coup, sans les filtres de l'âme, de l'incarnation, de ces choses-là, il y aurait un éclatement de l'ego, et puis à ce niveau-là, la conscience égoïque est détruite, donc elle devient inutile, mais justement, il fallait que des intelligences qui sont extrêmement avancées, extrêmement évoluées, au point où il fallait recréer de l'imperfection, pour justement recréer du nouveau, pour des raisons d'infinité. La conscience est censée, elle va dans l'infini. Donc, à un moment donné, la perfection, c'est fini, ça. Oui, mais c'est un petit peu paradoxal, mais pour aller au-delà de la perfection, il faut toucher à de l'imperfection qui amène ces entités qui génèrent des réalités à se redéfinir créativement à travers leur expérimentation et la création du plan matériel. Exactement, parce que c'est quelque chose de créatif au sens où si on veut qu'il y ait plus tard une perfection d'un autre ordre, il faut recommencer à recréer de l'imperfection. Donc, Donc, autrement dit, du chaos va générer un ordre nouveau pour reprendre une célèbre devise. oui, puis c'est une question aussi d'infinité qu'il y ait. Il ne peut pas y avoir, au niveau là, de ce qui est réellement l'infini, il ne peut pas y avoir qu'une perfection. Il y en a de différents ordres, mais une fois rendu à un certain niveau de perfection, pour recréer une autre perfection, il faut recommencer là, le processus au début. Donc, c'est là que l'être humain, qui est dans le fond un être. L'être humain est parfait au fond, mais au sens de se parfaire. C'est-à-dire... Au sens que c'est un processus d'affinement continuel. Et puis, pour créer là, justement là, quelque chose qui va aller vers un avancement, là, mais ça va être d'un autre ordre. Parce que ça fait partie, si on peut dire, là, de l'infinité là, des mondes. Et de ton point de vue, l'individu qui vit un processus de conscientisation, donc autrement dit que ça y parle intérieurement, qui vit des contacts avec des intelligences, est-ce que il est appelé à connaître un processus de perfectionnement à un niveau particulier? Ben, au sens de se parfaire, au sens que il monte en fréquence. Donc, oui, mais même là, je rendu à un certain point, ça se peut que le dialogue intérieur s'arrête parce que l'individu, l'ego, il voit, il n'a plus besoin de. Il n'a plus besoin d'un narrateur. Il va voir en temps réel, là, tout de suite. Et puis j'avais fait un audio où je parlais que je disais, rendu à un certain, au niveau là, de la fusion, rendu à un certain stade, puis là je parle de choses que je n'ai pas vécues, mais au moment où je le disais, je le savais que c'était ça. Il va y avoir possiblement une phase où il va être seul là, dans son mental, il va créer son propre espace, et là pour la première fois, si on peut dire, le silence ne sera pas un mensonge. Puis c'est peut-être une phase qui va être nécessaire. Et puis à un moment donné, ça se peut que les intelligences elles-mêmes disent, ben là, t'es rendu à un niveau de maturité, t'es censé voir sans avoir besoin de narrateur, sans avoir besoin de te situer tout le temps. Oui, mais Et attends une c'est. minute, c'est parce que la pensée n'origine pas de l'être humain. Fait que si eux autres n'envoient pas de pensée dans ton mental, tu peux pas fonctionner dans ton quotidien. Oui, mais rendu à ce niveau-là, l'ego est habité par comment je pourrais dire ça, son vrai moi qui était gardé sur d'autres plans, là, c'est là qu'il y a un retour, la source descend dans la matière et il n'a plus besoin là, de. Il va avoir de la pensée de cheminer, oui, mais par des contreparties et non par des initiateurs, si on pourrait dire, là, cosmiques. Donc, autrement dit, la pensée va être acheminée par son propre esprit plutôt que d'ajusteur de pensée lointain ou d'entité astrale. C'est ça. Et à ce moment-là, comme la pensée qui est acheminée ne provient pas là, de structures externes à sa propre source, là, on a une entrée dans l'être humain à ce moment-là va être un créateur, mais au sens là, intégral, là, j'irais pas jusqu'à dire, j'aimerais pas employer le mot total, je sais pas pourquoi, là, j'ai voulu employer ce mot-là, puis j'ai l'impression que c'est pas adéquat. Mais à ce niveau-là, là, c'est là qu'il va l'être humain, l'individu, parce qu'à ce niveau-là, même le terme être humain, je sens que ce n'est pas adéquat. Mais là, il y a la manifestation sur le plan matériel de la source là, qui est au niveau là, l'âme va se dissoudre, elle ne sera plus nécessaire. Oui, un petit peu comme les roues sur un bicycle d'enfant qui sont mis des deux côtés parce que l'enfant manque de stabilité lorsqu'il commence à rouler avec une bicyclette. Donc, éventuellement, quand l'enfant a plus d'aisance, bon, on enlève les deux petites roues sur les côtés du vélo et la personne est capable de se tenir dans les airs avec le vélo sans être déséquilibré par cela et se déplacer avec ce véhicule. Fait que moi, la façon que je le vois, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'éventuellement, l'âme, l'énergie de l'âme et l'énergie de l'astral vont disparaître de la structure énergétique de l'être humain pour être remplacées par une énergie mentale, mais qui va être régie par la volonté de l'ego de l'être humain pour être en harmonie absolue avec elle. Oui, exactement. Et même rendu là, quand bien même il n'y a plus de pensées qui sont acheminées, de toute façon, cet être-là ne pense pas. Ne pense pas dans le sens qu'il ne réfléchit pas. Néanmoins, il y a des courants d'énergie de pensée qui sont pas acheminés, t'as raison, qui sont à l'intérieur de lui-même, générés d'une manière autorégulée par le plan mental. C'est ça. Et puis, il n'a plus besoin d'être dans le réflectif. Pourquoi? Parce qu'il voit. Oui, Il donc. voit, il sait et il voit, et il n'a pas besoin de. À ce moment-là, c'est un contact avec de l'information, là, plus que une pensée, où c'est là, là que ça devient créatif. Et peut-être qu'à ce niveau-là, même là, moi, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est très, très inadéquat, parce que ce que je peux ressentir au sens de percevoir, là, au-delà de ça, je ne trouve pas, là, les formes adéquates, peut-être, pour le dire. Puis aussi, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que j'ai pas vu ça abordé par d'autres. Peut-être parce que c'est inadéquat, là, ce qu'on a comme façon d'essayer de l'exprimer. Puis de toute façon, j'ai l'impression que ce dont je parle, je suis incapable, là, de le concevoir de toute façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le concevoir totalement présentement, tant aussi longtemps qu'on réfléchit subjectivement. Néanmoins, ce n'est pas parce que nous n'expérimentons pas cet état présentement qu'il ne doit pas être envisagé, ne serait-ce qu'avec des mots imparfaits. Parce que si on n'est pas capable de l'envisager, on ne peut pas avoir une pré-compréhension de ce qui peut être vécu éventuellement. Ah oui, puis rendu là, ça prendrait plus qu'une compréhension, ce serait une préhension. C'est-à-dire... Au sens que il n'y a rien à comprendre parce que c'est déjà là. Et puis, mais là, on a peur de le prendre là. Il y a encore une certaine au niveau là de. Moi, c'est certain que ce qui est réflectif au niveau des projections là, linéaires dans le processus mental et tout ça, c'est engendré par le doute, c'est engendré par un paquet de choses qui font que nous sommes dans la compréhension par peur, nous voulons comprendre par peur de prendre. Oui, parce que pour être capable de prendre, il faut être capable d'assumer un état nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui nous sort des mémoires anciennes, du connu, de notre zone de confort. Donc, il y a un aspect à assumer qui nous plonge dans le vide. Ah oui, c'est ça. C'est exactement la pensée que j'avais en ce moment. C'est se lancer dans le vide, mais un vide infini. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que ça peut être déboussolant, mais en y allant par petites doses, une fois de temps en temps, en prenant la parole, en étant en contact avec cette réalité de nature énergétique. Donc, lorsque, par exemple, on canalise du matériel vibratoire qui provient d'un niveau de réalité parallèle à celui physique, on s'acclimate à cette réalité petit à petit. Oui, c'est l'optique évolutionnaire, progressive, justement, pour pas faire éclater des structures qui. L'être humain, c'est certain qu'il va avoir des fois des peurs, et puis, mais ces choses-là, si on pourrait voir ça comme quelque chose de retardateur, mais c'est plus quelque chose qu'on pourrait voir comme une gestion, eh bien, c'est nécessaire, parce que j'ai l'impression que. Si je renouais avec tout ce que je sais, mais qui ne parvient pas à ma conscience, eh bien, je mourrais sur place, là, ma forme physique deviendrait inutile et toute l'expérience, là, au niveau de la conscience égoïque sur le plan matériel, tout ça deviendrait inutile. Et puis, il faut que ce soit progressif. Pourquoi? Justement, pour conserver, là, l'expérience égoïque qui est extrêmement précieuse. Et puis de toute façon, ces forces-là qui sont au-delà du plan, qui sont au-delà du plan matériel, mais qui sont obligées de passer à travers des formes intermédiaires. Et puis, au fond, il y a là quelque chose de quasiment de désespéré de leur part, pas au sens là où ce qu'on l'entend là, mais ça, disons, pour employer une expression qui me vient comme ça là, ça gosse là en arrière du rideau puis ça lâche pas, mais ça sait que le rideau est encore utile, donc c'est pas trop violent, puis c'est pas trop, il faut pas que ça le soit non plus. Et puis ça m'est arrivé de vivre des états où ce que je voyais, ce que je comprenais, me frappait tellement qu'il y avait une dépersonnalisation au niveau là, de l'ego, se dissolvait quasiment dans ce qui était observé. Puis, mais la personne ne pourrait fonctionner dans un état comme ça. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un dévoilement progressif du réel dans la mesure que l'ego est capable de contenir cette réalité sans sombrer dans un état de dépression ou de folie. Oui, exactement, parce que comme on le voit là, certaines personnes qui vont, par exemple, là, comme c'est arrivé dans certaines sociétés là, traditionnelles, tribales, que certaines personnes prenaient des substances qui ouvrent les centres psychiques, il y a des gens qui sombraient dans la folie, il y a des gens qui sombraient dans des psychoses irréversibles, parce que justement, ce n'était pas le temps, les structures ne sont pas encore prêtes à accueillir ça, et c'est là que ça devient dangereux. Mais à ce moment-là, c'est considéré encore comme de l'expérience. Et puis après, il y a des solutions. C'est réenregistré comme une expérience. Et puis, nous dramatisons beaucoup là, la souffrance humaine. Nous ne la voyons pas pour ce qu'elle est réellement. Et puis, mais une vie humaine, là, rendue à certains niveaux, ça dure un clignement d'œil. Et puis, c'est peu de choses, là, même si c'est extrêmement important. On a tendance là, à penser que. Justement, là, que c'est extrêmement dramatique et puis que c'est extrêmement grave, alors qu'au fond, ça ressemble énormément à ce qu'on pourrait appeler un jeu. Il y a quelque chose quasiment d'une comédie là-dedans. Puis, moi, les premiers contacts, là, au sens où que je sentais des intelligences extérieures qui voulaient communiquer. Les premières grandes colères que j'ai eues, les premières oppositions que j'ai eues, c'était par rapport au fait que j'avais l'impression de faire rire de moi. Mais oui, l'être humain fait rire de lui. Il fait rire de lui, mais c'est nécessaire. Parce que, quelque part, ça l'amène à être moins naïf et ça l'amène à monter aussi en intelligence pour être capable de voir dans quel jeu il se trouve. Oui, exactement. Et puis à ce moment-là, au lieu d'avoir l'impression de faire rire de soi, ben, on a l'impression que on participe à ça et que c'est beaucoup moins grave que ce qu'on imaginait. C'est beaucoup moins sérieux. Aujourd'hui, il m'arrive des choses que j'aurais considérées comme dramatiques avant. Et puis de temps en temps, ben, quand ça arrive, je le vois plus maintenant comme quasiment comme ça fait partie de la game, là. C'est une game, puis il faut pas, si je la prends trop sérieux, je vais perdre de vue l'idée que c'est une game, puis que il faut pas, c'est quasiment comme si on était pris dans des pièces de théâtre, puis on joue un rôle sans se rendre compte que c'est un rôle. Nous nous rendons pas compte que tout ça est planifié au-delà de nous. Qu'il y a une scène, qu'il y a un rideau, qu'il y a un metteur en scène, qu'il y a un auteur. Et puis, on se prend à prendre ça pour. C'est là que l'être humain n'est pas réel parce qu'il prend pour du réel ce qui est la surface des choses, l'apparence des choses. Il perd de vue que tout ça, c'est un peu comme, si on pourrait dire, là, une compétition. Et puis, si vous perdez une course, vous n'allez pas avoir envie de tuer la personne qui vous a battu. Pourtant, nous vivons dans un monde où nous sommes comme au niveau là, un peu, si on pourrait dire, comme des Jeux olympiques de l'incarnation, et nous n'avons pas encore l'esprit sportif, si je puis dire. Puis nous prenons ça au sérieux, mais dans le mauvais sens du terme, là, c'est malsain. Oui, ben c'est sûr que les gens sont identifiés à la forme. C'est ce qui fait que quelque part, ils vont prendre ça au sérieux, ils vont avoir de la réactivité émotionnelle à l'égard des événements. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il faut aller au-delà de ça. Et éventuellement également, il va falloir compléter l'enregistrement. Bien que ce Oui. soit intéressant de discuter avec toi, il va falloir mettre fin à l'enregistrement. Donc, je voulais te laisser conclure là, dans les prochains instants là, par rapport à cette entrevue. Bon, ben, c'est difficile pour moi de conclure, là, parce que ça ne s'arrête jamais, si on peut le dire, parce que même après la fin de l'enregistrement, ça va continuer, là, au sens où ce dont on a parlé, les choses dont on parle, ça reste, là, fréquentiellement un bout de temps après. Mais, en tout cas, c'est Mais pas une ça continue à te conclusion. parler intérieurement, tu sais, tu peux prendre une douche, tu peux boire de l'alcool, il y a différentes choses qui amènent à décrocher de cette vibration résiduelle. Donc, pour conclure, je vais aller me saouler dans la douche. Ben, en fait, il faut mettre ça en contexte, là, parce que je veux pas non plus que les gens abusent de l'alcool, là, mais je veux Oh, mais dire, non, il s'agit. il existe différents moyens. Qui peuvent servir à enlever le surplus d'électrification dans le mental pour rabaisser la conscience, pas dans le sens de devenir stupide, mais dans le sens d'être détaché de l'énergie qui peut être engendrée par la vibration de la parole. Oui, exactement. Ce que je dis, c'est dans le sens ça va continuer, mais parce que je garde la champlure ouverte, mais comme tu dis, il y a des moyens de fermer ça pour des raisons là, de fonctionner, d'être capable de fonctionner. Exactement, parce que ça peut être intéressant de communiquer avec ton esprit à l'intérieur de toi, mais à un moment donné, il faut être capable de mettre ses limites parce que sans ça, ça empiète sur notre vie privée et ça empiète aussi sur nos heures de sommeil. Ah oui, puis des nuits d'insomnie, puis des beaucoup de jours sans manger au point de devenir amaigri. Ça, je l'ai vécu. J'en ai assez souffert qu'à cette heure, là, quand la champlure est, je la ferme, là. Puis mais justement, ça vient avec le temps. Et puis, mais c'est jusqu'à un certain point, c'est normal au début de pas être capable d'avoir de la difficulté à fermer ça. Mais là, oui, comme tu dis, là, il y a moyen de faire cesser ça, là, quand bien même ce serait de s'adonner à quelque chose d'un peu ennuyant, là, comme faire la vaisselle, là, ça peut aider, là. Oui, parce que ça t'amène à te rebrancher sur le matériel. Donc, t'es à C'est ce ça. moment-là, ton attention n'est plus centrée sur l'esprit et l'intériorité, mais ce que tu perçois à travers tes sens physiques. À ce moment-là, on va compléter l'enregistrement. Donc, ça a été un plaisir, Berthold, de discuter avec toi. Ah ben pour moi aussi. Excellent. Donc, j'invite à présent, bien entendu, tous les auditeurs qui veulent en savoir un peu plus sur Berthold d'aller visiter sa chaîne sur YouTube, dont je vais présenter le lien en bas de cet enregistrement. Donc, comme tu es extrêmement prolifique, Berthold, je pense que tu es rendu peut-être à au-dessus de 80 vidéos. J'en ai 60, je pense, 62. Ah, tu vois, je m'imaginais des choses. Fait que, mais quand même, 62 vidéos, c'est déjà pas mal. Oui, c'est un peu de temps. Ah, j'ai confondu parce que je pense que t'es au-dessus de 80 abonnés. Oui, ça, c'est mes Ah, abonnés, les ok, c'est beau. 80. C'est parce que j'ai confondu. Je commence à être un petit peu fatigué. Donc, c'est le signe pour moi que le temps est venu de compléter l'enregistrement. Donc, c'est ce qui termine et je te remercie. Bon, ben toi aussi, et puis bonne continuation.